merci pour cette soirée. Regarde ta Ah, il y a l'autre. Il est là. Le pompier est là. Ah oui, bah, et oh, bon, bah, alors 23h. Ça va. Tu veux pas. C'est la sirène. Tu peux pas calmer ta sirène, là, s'il te plaît. Ah, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Hein. Ah, c'est comme en ville à midi pile, paf, c'est parti. Hein. Sans déconner, quoi. Putain, on peut même plus dire au revoir aux auditeurs. Hein. Ah, bah, si tu termines plus tôt. Ah, bah, attends, je termine à l'heure. Hein. Bah, non, regarde. Ah, mais attends, moi, si j'ai fait de la radio, c'est pas pour être dans les services publics. Hein. Ah, je sais pas, moi. Moi, il y a le sous-chef qui est dans le fond du couloir et le sous-chef qui m'ont dit qu'il fallait être fonctionnaire. Moi, je suis fonctionnaire. Bon, bah, alors, c'est parti, Mickaël, de limite. Bisous tout le monde. Sur Fun Radio à partir de 20h. Merci pour cette soirée. Ouais. Je vous ai pas chassé, rassurez-moi. Non. Ah bon, ça va. Tu nous as viré, c'est pas pareil. Mais non, donc tu peux venir ici, on fait l'émission ensemble jusqu'à 2h si tu veux. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, y a pas de problème. Ça, oui. C'est le travail d'une vie avec nous. Allez, hein, vas-y, Doc, c'est parti. Il y a une grosse psychanalyse à faire. Ah oui. Bon, enfin, il est pas petit, mais. Quelques émissions. Hein. Ah oui, je confirme. Allez, bon. Il est 23h01. Eh ben, on va y aller. Tu veux partir, Karima? Bah d'accord, on va bien la fonctionnaire. Ça sert à quoi de mettre la sirène sinon? Ah bah oui, mais c'était pour vous prévenir, au cas où. On sait jamais. Bon, bah bonne soirée à vous. Bisous tout le monde, à demain. Salut, à demain. Salut. Allez hop, on est parti jusqu'à 2h du mat maintenant sur Fun. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup. Vous avez raté ça. Eh ben, mon opinion, j'ai même pas envie de te connaître. Alors, ferme ta gueule et passe-moi le Mickaël parce que, ouf. Ah, excusez-moi, mais c'est qui, Mickaël? C'est mon cul, Mickaël, trou de balle. Bonsoir, c'est Clara Morgan. Excusez-moi de vous déranger. Vous regardez le foot, peut-être? Clara Morgan, de quoi? C'est une coquine, toi? Non, je appelle pour un sondage. Un sondage de quoi? Un sondage de cul? J'ai une petite question à vous poser. Tu veux du cul avec moi ou quoi? Ah, bah oui, écoute, j'en rêve toutes les nuits. T'es une petite salope, non? Mickaël, de limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Eh oui, 23h02 sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus. Si vous avez raté l'émission hier, on s'est bien marré avec Clara Morgan. Ouais. Entre 20h et minuit. Je m'en suis parmi. Je regarde les images en boucle. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la vidéo a un peu de retard. On l'aura demain. Oui. La vidéo, parce que bon, il a traîné, il a regardé. Je l'ai regardé, je l'ai regardé. Ouais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on est là lundi férié et au soleil. Enfin, pas pour tout le monde, mais il y a eu du soleil, notamment dans le sud, comme d'hab évidemment. Et puis bah sinon il y a eu beaucoup d'orages aussi un petit peu partout, hein. Je m'en suis pris en pleine gueule. Mais quelle violence. C'est la première fois que je vois l'éclair. Ça y est, d'habitude il y a l'éclair et comme le son va moins vite que la lumière, bah du coup il y a l'éclair et puis il y a le son qui arrive. Ouais, c'est ça. Plus l'orage est loin, moins le son arrive vite forcément. Et d'ailleurs la technique, il faut compter pour savoir combien de kilomètres est l'orage. A priori il dit ouais. Et donc sauf que là il y a eu l'éclair et pas directement quoi. Putain, je m'y attendais pas, le ciel est devenu mauve. Et j'ai reçu des glaçons de la grêle de la taille d'un glaçon sur la gueule. Mais c'est violent. Bah attends, c'est ce qui est arrivé à Bruxelles avant-hier. Enfin ouais, à Bruxelles, ouais, dans le nord de Bruxelles, c'était avant-hier. Violent. Ça a démonté tout, mais c'était un truc de fou. Polo a failli mourir. Mais grave, mais ça m'étonne pas. Attends, les trucs étaient hyper violents. Il a encore eu tout à l'heure aussi en Belgique à Verviers à Liège, il y a des toits qui sont partis, il y a des arbres qui sont tombés en plein milieu de la rue et tout. C'était une violence. Oh là là là là, c'était incroyable. Bon bah si vous avez vécu le mauvais temps, bah venez nous en parler hein, pour qu'on voit un peu ce qui s'est passé chez vous. Et puis bah si vous avez vécu le beau temps aussi, hein, genre les meufs et tout, en petite tenue, mini jupe, buvant des cocktails et tout, et ben venez nous en parler également. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tout ça en attendant évidemment le soir vous pouvez enfin écouter quelque chose de bien à la radio entre 23h et 2h du lundi au jeudi et puis le dimanche comme hier soir entre 20h et minuit. Attention, ce soir pour être dans le top tweetos, faut mettre le hashtag Mickaël sur Fun. Ouais, parce qu'on s'est dit finalement c'était plus intelligent que les gens sachent sur quelle radio on est. Ben, voilà. Ouais, normal, bah oui, c'est évidemment un peu logique. On n'est pas une radio tout seul, évidemment, on est sur Fun Radio. Donc vous tapez hashtag Mickaël sur Fun, tout simplement, en un mot tout collé. Et puis bah si vous êtes si vous tweetez bien ce soir, vous serez numéro 1 ce soir, peut-être en tout cas, du top tweetos. Donc le principe très simple, vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur Fun. Et puis bah à la fin de l'émission, si vous êtes numéro 1, vous repartirez avec un magnifique sextoy d'une valeur de quasiment 100€ offert par passagedudésir.fr. Sauf si vous êtes mineur, bien entendu, vous repartirez avec quelque chose d'autre. Il y a Balom là, qui dit merde, hier j'ai pas écouté Clara Morgan. Eh ben bravo Balom. On s'est bien marré, coup de pelle d'ailleurs avec Clara Morgan. Tu verras d'ailleurs sur les images, on mettra tout sur le YouTube demain. Il y a Gr qui dit c'est parti, bonsoir les chéris, salut à toi. Guillaume également qui dit Mickaël, c'est un plaisir de vous retrouver pour de nouveaux délires. La possible de passer One More Time des Daft Punk. Ben écoute Guillaume, quand tu mettras le hashtag Mickaël sur Fun, je mettrai le One More Time de Daft Punk si tu veux. Christophe qui dit hier j'ai raté l'émission avec Clara, fait chier, mais ce soir je suis là et en forme. grave. Christophe avec le hashtag et Mickaël, n'oublie pas, hashtag et Mickaël sur Fun, c'est important. Stéphane aussi, je peux avoir un coup de chalumeau car je vous ai pas écouté la semaine dernière car je bossais la nuit. Ah ouais, carrément. Bah tu sais quoi, je vais d'abord te mettre un coup de pelle. T'en mettras un petit aussi d'ailleurs, et le coup de chalumeau tu l'auras si t'arrives à rester assez longtemps, Christophe. Et Damien qui dit salut l'équipe, j'ai mal au crâne et j'espère que vous allez me réveiller, me faire un meilleur effet que le Doliprane. Écoute, on va faire ce qu'on peut en tout cas, donc n'oubliez pas, hashtag et Mickaël sur Fun en un mot pour participer à l'émission, surtout vous n'hésitez pas justement. Et puis là on va accueillir Virginie. Oh bah Virginie, ouais ouais, ouais. Alors Virginie, alors attends une seconde. Virginie, on t'a eu hier dans l'émission, tu étais en kiff sur un mec, tu te chattais par SMS, tout ça, etc. Et donc et voilà, je t'ai proposé de l'appeler pour voir un peu comment ça. Attends, Virginie, deux secondes. Donc laisse-moi expliquer aux auditeurs quand même, elle est en train de s'énerver. Donc on l'a appelé en direct. Va te faire enculer, gros bâtard. Exactement. Va te faire enculer, gros bâtard. Donc on l'a appelé en direct donc dans l'émission pour. Enfin je lui expliquais sur son répondeur ce que tu ressentais pour lui, je me suis fait passer pour ton frère. Et donc, dans un instant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Oh putain. Bon, alors ne bouge pas, Virginie, d'accord? C'est un peu Dallas, ouais, mais dans le nord. Bon, ne bouge pas, Virginie. Virginie, ne bouge pas, Virginie. Virginie, mais arrête de hurler, on est pas sûr. Hein. T'es en train de hurler dans ton téléphone, on comprend rien, ça sature. Mais si, ou alors t'as le kit Malibre ou le haut-parleur. Pas du tout. Ou alors t'as le téléphone dans ta bouche. J'aurais bien voulu avoir autre chose dans la bouche. Oh, on récupère la Virginie d'époque. Oh, ça va être bon. Virginie, reste avec nous. Comme vous avez pu le remarquer, ça va être bon dans quelques minutes là. Avec Virginie, ça va être parfait. Bon ben, venez nous parler hein, si vous voulez. N'hésitez pas, d'où que vous soyez en France. Vous appelez le 01 42 48 5000. Ce n'est pas surtaxé. Vous pouvez donc appeler sans crainte d'avoir une facture de ouf. Et en plus, on vous rappelle derrière. Et si vous êtes en Belgique, c'est pareil. 02 851 4x0 et vous arriverez à l'antenne pour tout nous dire. Sandro qui a profité du soleil aujourd'hui ou de la grêle ou quoi? Ouais, je me suis pris la grêle hier en rentrant. Ah, bah parfait. Voilà, et aujourd'hui je me suis reposée. Ok, bah c'est bien, il faut aussi de temps en temps. Toff qui a failli être remplacé par Clara Morgan hier, puisqu'elle s'est tentée aux appels malveillants. Oui, c'est vrai. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Dans l'idée, très bien, j'ai vu que j'avais toutes mes chances à Pôle emploi. Exactement, ouais. Et bon, bah malheureusement, il est toujours là. On n'a pas réussi à l'échanger contre Clara Morgan, c'est dommage. Voilà. Mais va te faire enculer. Moi, je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute. Va. Voilà, très sympathique, comme vous avez pu le remarquer. Polo qui est là également avec son armée des loups, comme tous les soirs. Ouais. Et puis, si vous avez envie d'écouter un son particulier ce soir, n'hésitez pas. Bah, je vous propose qu'on, dans quelques secondes, on écoutera le son que vous avez découvert sur Fun Radio. Vous la passez toutes les heures, car c'est normal. La radio des nouveautés, c'est Fun Radio. Le nouveau David Guetta. Avec le riff de Apollo 440. Oui. Ce sera Blast Off. Et en plus il est plutôt bien foutu hein, avec le riff de Apollo 440. Ouais. Je vous ferai écouter tout à l'heure la version originale pour voir si ça vous parle. Voilà, nouveau David Guetta qu'on écoutera donc dans quelques minutes sur Fun Radio. Et comme on l'a écouté toutes les heures, bah, je propose qu'on l'écoute toutes les heures aussi. Il n'y a pas de raison. C'est une très bonne idée. Bah, voilà. Et ben voilà, David Guetta tout à l'heure, on écoutera aussi le son de Pitbull avec We Are One. Et si vous n'avez pas encore écouté le nouveau Guetta, vous allez voir, il déchire tout sa race. Tu l'as déjà entendu ou toi, Franck, là, aujourd'hui là Franck? Allô, ouais. Ah oui, t'es un doux, toi. Oh là là là là, il t'a moitié endormi. T'es là, Franck? Ouais. T'as entendu le nouveau David Guetta toute la journée sur Fun? Non, j'ai pas entendu. Oh là là, mais c'est plus un coup de pelle que tu mérites, là. Ouais. Bon, tu viens écouter le petit extrait que j'ai mis, là? Ouais, ouais. Et alors, t'aimes bien ou pas? Ça ressemble à quoi, là, musicalement? Bah, ça ressemble à un truc de guitare et tout, ouais. Ah, c'est bien. Non, il a quand même écouté un peu, c'est bien. Je m'attendais à ce qu'il soit pas du tout au jus, là. Bon, Franck, on va jouer ensemble pour que tu puisses peut-être repartir avec les haut-parleurs Bluetooth offerts par la maison du GSM. Et donc, Franck, fais péter la colle, on t'écoute. Cycle sans serrure, si tu me grattes, je murmure. J'ai cyclé sans serrure, si tu me grattes, je murmure. Il est poète. Et il est poète, Franck, c'est bien. Hein. Bon Franck, ouais. Si vous avez la bonne réponse, bah vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 au 63 22 depuis la Belgique. Et puis on va jouer également, je vous mets la colle dans 15 secondes sur le Facebook de l'émission. Il suffira de venir nous rejoindre en tapant Mickaël officiel sur le Facebook. Vous allez lire la colle, voir d'ailleurs la gueule aussi des haut-parleurs Bluetooth que je vous offre. En plus, ils déchirent tout puisque vous pouvez évidemment les brancher sans fil via votre ordinateur portable, téléphone, votre smartphone, votre iPod, votre iPad. Enfin bref, tout ce qui est Bluetooth, même une tablette standard évidemment. Et vous allez pouvoir écouter de la musique sur la batterie, sans fil, tout ça à la cool, au bord de la piscine, à la plage, même chez vous à la maison, très pratique. Donc si vous voulez la gagner, il faut répondre à la colle de Franck. J'ai 6 clés sans serrure, si tu me grattes, je murmure. Qui suis-je? On donne la réponse avant minuit 30, tu restes avec nous? Ouais. Très bien, bouge pas. Sinon, ça va Franck? On a enterré toute ta famille aujourd'hui ou pas? Quoi? On n'a pas enterré toute ta famille? Non. Ah bon, d'accord, ok, non mais je m'inquiétais. C'est la chaleur qui te ramollit. Ouais, y a pas ton père qui est derrière avec une batte de baseball, si tu perds, il te met une patate? Non. Bon d'accord, ok, alors tout va bien. Alors reste avec nous Franck, ne bouge pas de là. Et puis bah appelez-nous là, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Depuis la Belgique, il y a Guillaume qui dit hashtag Mickaël sur Fun. Voilà, passe One More Time des Daft Punk please. Ok, je vais le mettre One More Time des Daft Punk, Guillaume, t'inquiète, je le mettrai tout à l'heure. Jason qui dit je sais qu'il existe l'armée des doux de Polo et moi je propose de créer l'armée de Toff, les têtes de cons. Non, il vaut mieux pas en faire trop d'honneur, parce qu'après non, sinon, ouais. ils vont se sentir intéressants et ça c'est dramatique. Salut, je mérite un énorme coup de pelle car hier je ne vous ai pas écouté car j'étais en mode fête foraine, mais j'ai hésité à venir vous pour pouvoir vous écouter. C'est Stella. Bah Stella, putain, en plus on a eu Clara Morgan hier, on s'est bien marré, je peux te le dire. Et Love Funny qui dit mon Mika, je t'en prie protège-moi de l'orage, je suis une douce et j'ai peur. T'es dans quelle ville, dis-moi Love Funny, là qu'on en parle. Bon, et puis on va parler des tics de langage également. Ah, oui. Tics de langage. Est-ce qu'il y en a qui vous énervent? Ah oui. Genre ceux qui vous énervent le plus, les trucs que vos potes, vos profs, les collègues ou même les animateurs radio disent. L'avantage, c'est que je n'en ai aucun. Non, bah non. Non. Je n'ai aucun tic de langage. Non. Voilà. Par exemple, là, je donne ça pour les exemples des autres. Genre, je vais te dire, tu vois, de ouf, ouais. C'est improbable, c'est bien, etc., etc. En fait. C'est une horreur ça. Mais j'ai remarqué que le en fait. Et il nous pollue, c'est-à-dire que moi, quand j'entends quelqu'un dire en fait, je répète toujours le en fait et j'entends que ça. Ouais, ouais. Il y a le quoi aussi. Il y a chaque fois. Ouais, ou c'est mec, il y a un truc qui m'énerve. Ah, c'est alors mec, ouais, t'as envie de dire wesh, enculé. Wesh, ma gueule. Wesh, ouais. Ma gueule, t'as vu. Bon, venez nous dire ce que vous dites, vous justement, et surtout les tics de langage que vous ne supportez pas. Vous balancez votre message, hashtag Mickaël sur Fun avec votre message sur le Facebook de l'émission et puis par téléphone, le standard, appelez-nous. Il y a du monde, il y a de la place, il y a Anthony, il y a Corentin qui sont déjà là. Salut Anthony, salut Corentin. Salut la famille. Ça va bien? Ça va et toi? Bah tranquille. Bon, alors on va parler des orages dans quelques minutes avec vous deux, d'accord? Ouais, okay. Ça a tonné là aujourd'hui là sur Orléans et en Bretagne, il y a eu beaucoup d'orages? Non, mais la journée. Bon bah alors bougez pas, on va en parler dans quelques minutes. On va récupérer également Virginie. Eh hey, Virginie, coupe la radio par pitié. Oh là, ah bon, oh, elle a failli tomber là. Virginie, bon, il y a eu de l'orage aujourd'hui ou pas dans le nord? Putain, ça l'a fait ça péter. Oh, ça a pété. Non, mais c'est toi qui a pété ou c'est l'orage? Non. T'as pété, Virginie. Ah oui, c'est ça alors qui a pété. Ça peut-être dans un autre sens, bien sûr. Non, on comprend rien, Virginie. Arrête de parler dans le téléphone aussi près du moins. On va te récupérer dans quelques minutes. Vous bougez pas de là. Et puis, on va s'écouter, comme promis, l'excellent son de David Guetta que vous avez découvert sur Fun toute la journée. David Guetta et Blast Off. Vous avez envie de l'entendre? Eh ben, ça tombe bien. Il arrive dans 3 secondes sur Fun. Restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on est en direct avec tous vos messages qui arrivent. Il y a le Bœuf Ferré qui dit moi, ce qui m'énerve, c'est quand Toff dit mais pourquoi vous dites ça, madame? Oui, ça, c'est dans les appels malveillants qui arrivent dans un quart d'heure. Hein. Restez bien là. Il y a Momo qui dit je veux un message de bienvenue, s'il vous plaît. Je vais te faire enculer. Eh ben voilà, tu as eu ton message de bienvenue là, Momo. Joanne aussi, je peux avoir un coup de pelle parce que je vous ai pas écouté la semaine dernière. Bah bravo, hein. Alors qu'on était là en pleine forme, mais rassurez-vous, l'émission a bien démarré hier, la semaine a bien démarré hier. Et on va la continuer comme ça toute la semaine. Il y a Alexis qui dit je vous écoute en pensant à mon meilleur ami qui est à l'hôpital suite à un malaise. Pouvez-vous lui faire une dédicace? Bah le message est passé, bon courage en tout cas. Et puis j'espère que t'as la radio pour passer un petit peu le temps. Hein. Marie aussi qui dit coucou mon cher Mickaël, bien sûr. Comment allez-vous? Moi bien, tu peux mettre We Are One de Pitbull et Gillo. S'il te plaît, Polo, tu es aussi mignon et Toff, vaut mieux pas en parler. Oui, alors Pitbull il arrive dans quelques minutes. Et alors Zep. Zéphiroth sur le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun qui dit moi je dis soit en fait, soit tu vois. Ah ouais, bah ouais, justement les tics de langage là, il y en a qui vous énervent. Balancez vos messages avec le hashtag Mickaël sur Fun. J'ai mis le post sur le Twitter, j'ai mis le post sur le Facebook. Et appelez-nous pour en parler, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous l'avez écouté toute la journée, toutes les heures sur Fun Radio. Car c'est normal, David Guetta a choisi Fun pour faire péter son nouveau son. Et on l'écoute encore une fois maintenant là. David Guetta sur Fun, le nouveau avec le riff de Apollo 440. C'est la petite guitare qui est derrière là. C'est Blast Off maintenant sur Fun Radio. Alors vous l'avez kiffé ou pas le nouveau Guetta là? Si vous l'écoutez pour la première fois, c'était Blast Off sur Fun Radio, non Mickaël, non Limite. Voilà, je vais y arriver. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, plein de messages qui arrivent encore sur le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun. Ce soir, je vous le rappelle, hein, c'est Mickaël sur Fun qu'il faut mettre en hashtag pour repartir notamment, peut-être avec les cadeaux à la fin en top tweetos. Et même si vous envoyez un message comme ça, vous mettez hashtag Mickaël sur Fun pour qu'on voit tous vos messages. Il y a Ben Laden Ding Bogos qui dit les gens disent. Ah oui, c'est par rapport au tic de langage, j'en parlais il y a quelques minutes. Les gens disent, faut que je te dise un truc. Ils disent, tu sais, bah non, justement, si tu le dis, c'est con. Voilà, faut pas le faire. Il y a Manté Dadou qui dit sur le Twitter, moi ce qui me saoule c'est les j'avoue. Ouais, il y en a plein. Ah putain, ah non, j'avoue. J'avoue. Ouais. Ah ouais, non, j'avoue. C'est quand tu dis un truc et le mec il est d'accord, il dit j'avoue. Élise aussi, pour les tics de langage, j'ai une prof de latin qui dit tout le temps d'accord. Et vous voyez, c'est chiant, elle s'en rend même pas compte. Il y a Joris aussi sur le Twitter qui dit avec le hashtag Mickaël sur Fun. Moi, les mecs disent wesh à chaque fun phrase. Putain, ça c'est relou, en plus c'est naze. Marie aussi, les miens c'est genre ou en fait. Camille avec AK qui dit ce qui me rend ouf, c'est les meufs qui parlent de leur fringue en disant un petit haut, un petit. Une petite jupe, ouais, un petit bas. Ou un petit pantalon. Mais ta gueule. Bah écoute, Camille avec un K, t'as qu'à envoyer un petit message. Hein, comme ça on le lira avec un petit plaisir. Avec un grand plaisir, voilà, c'est ça. Et Guillaume également, Mickaël sur Fun. Moi j'aime pas ceux qui disent genre du français mélangé avec de l'anglais, genre hello, ça va, goodbye. Ouais, ça m'arrive parfois pour le coup. Et Tommy aussi, j'aime pas les gens qui disent wesh avant de commencer leur phrase. Et Sandra B sur le Twitter encore avec le hashtag et Mickaël sur Fun. Bien sûr, tu dis jamais improbable, ça fait des années que je t'écoute et tu dis toujours c'est faux. Ouais, oui, Mickaël ne dit jamais. Attends, ça. Mais c'est jamais. Improbable que tu penses ça. Bah vraiment. Ça, alors c'est vraiment. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, hein. C'est un scandale. N'importe quoi. Alors là, c'est surréaliste. Je comprends pas. Je comprends c'est même pas improbable. Comment tu. C'est improbable. Arthur qui dit Mickaël, spécial dédié à ma Chloé qui vous écoute. Elle n'a pas eu son message de bienvenue. C'est Arthur. Comment ça? Mais va te faire enculer. Moi je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute. Va. Voilà, bienvenue à elle et bienvenue à toi également. Là, tous vos messages qui arrivent encore, n'hésitez pas à vous balancer tout ça. Je vous avais promis le retour de Virginie qu'on avait appelé hier. Oh Virginie, ta radio! Oui, t'es sourde! Oh bah oui, mais enfin pourquoi tu l'allumes? Parce que les sourds de l'oreille veulent mettre le téléphone. On n'est pas des radins quand t'es dans le téléphone, t'entends la radio dans le téléphone. Bah oui. Et bah alors pourquoi tu mets la radio à fond de balle derrière? J'ai pas mis la radio à fond de balle derrière, c'est n'importe quoi. Alors je suis un menteur. Tu mens. Alors je suis un menteur. Tu es un menteur, Mickaël. C'est ça, j'ai un. Non, parce que j'ai un numéro parleur, c'est ça. Ah bah voilà, mais alors merde, prends ton téléphone et écarte-le de 2-3 cm de ta bouche là pour que ça sature pas. Tu dois écarter. Parfait, oui, écarte. Écarte tes fesses aussi. Écarte. Ouais, j'avais compris ta quête. Hein. Eh ben là, c'est parfait. Bon, Virginie, donc on t'avait eu hier, tu nous avais dit, voilà, je suis en kiff, j'ai été viré de la police, enfin, j'ai même pas été jusqu'aux examens. C'est vrai, c'est et vrai. Donc après, tu c'est nous vrai. As dit, ouais, voilà, je discute avec un mec sur un chat SMS, blablabla. Et donc, voilà, écoute, voilà le mec, il s'appelle comment? Il s'appelle Johan. Et donc, du coup, on avait son numéro de téléphone, on l'a appelé, je me suis fait passer pour ton frère. Et bah voilà, quoi. Donc, je l'ai laissé un message sur son répondeur. Et alors? Eh ben alors, Mickaël, je vais te faire passer un savon, mais pas mais bon. Il attends, est propre, on va le rappeler. On le rappelle. On le rappelle, non, direct. S'il vous plaît, c'est son téléphone professionnel, merde. Et alors, c'est pas grave. Et alors, non, mais allô, quoi. Non, mais allô. Ah, putain, voilà, c'est un type de langage que je supporte pas, les allô, quoi. Voilà, ça, c'est un bel exemple. Merdé. Bon, alors, explique. Non, mais il m'a envoyé un message, il a dit, c'est quoi ce délire, tu m'as donné mon tel à un gars de la radio, parce qu'il ne savait que... J'ai téléphoné. Tu veux que je le rappelle et je lui dis écoute, je suis pas de la radio, moi je suis ton frère. Ouais, moi je pense faut que tu le rappelles, Mickaël, faut que tu le rappelles. Non, bon, on va le rappeler. Mais s'il te plaît, Mickaël, s'il te plaît, Mickaël. Bon, attends, mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Parce que j'ai quand même dit que t'étais chaud d'après lui. Parce que s'il a juste répondu, t'as donné mon numéro à un mec de la radio, c'est qu'il essaye de tu es passé sur le côté là pour pas répondre à la question. Bon, alors qu'est-ce qu'il a dit? Eh, hey, m'oblige pas à le rappeler, Virginie. Faut voir si elle saute la peau aussi, de temps en temps. Qu'est-ce qu'il dit? Mais bon, non, rien, laisse tomber, rien. Mais non, justement, attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il a rien dit. Mais si, qu'est-ce qu'il dit? Il était un petit peu en colère. En colère? Attends, oh, rappelle direct. Attends, ben, je vais le rappeler. Non, mais Michel, s'il te plaît. Mais non, mais il n'y a pas à s'énerver, tout non, va bien, là. Sérieusement, non, mais sérieusement. Non, il faut que Michel, il lui parle. Mais je pense, ouais, je pense, hein, ça me paraît important, là. Non, mais sérieux, hein. Mais c'est pour toi que je dis ça. Bâtard, enculé, gros bâtard. C'est pour toi que je dis ça. Non, il faut qu'il sache la vérité, moi. Mais oui, je pense que c'est important. Bah ouais, parce que franchement, c'est un gars vraiment, vraiment impressionnant, hein, et dans ses paroles, il est vraiment doux. Bon, écoute, vrai. Alors Virginie, s'il vous plaît. On va demander aux auditeurs, mettez-le avec le hashtag Mickaël sur Fun ou sur le Facebook ou même par SMS. Dites-nous si vous pensez qu'il serait bon pour le bien de Virginie qu'on le rappelle afin qu'on s'explique. Hier on l'a appelé, il était plus ou moins la même heure, si mes souvenirs sont bons, peut-être une heure avant, je sais plus. Donc est-ce qu'on le rappelle ce soir pour remettre les choses à plat? Voilà. Donc dites-nous hashtag Mickaël sur Fun, on en parle dans quelques minutes. Et puis ben vous aussi, hein, vous balancez vos messages sur le Facebook ou vous nous appelez pour nous le dire. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Virginie, tu restes avec nous? Bah y a pas de souci. Eh ben tant mieux. Y a des tics de langage que t'aimes pas toi chez les gens ou pas? C'est normal. D'accord, bah c'est parfait Virginie, merci pour ta... Je crois qu'il paraît qu'elle aime pas les gens qui disent oh gros bâtard tout le temps. Va te faire enculer gros bâtard. Non, ça va, tu les aimes bien, mais c'est normal. Bon, Virginie, reste avec nous. Il y a Pedro de Saint-Germain-en-Laye. Salut Pedro, 21 ans, comment tu vas? Bonsoir. Comment ça va, Pedro? Ça va. Bon, tant mieux. C'est quoi, toi, les tics de langage que tu supportes pas? Moi, c'est plus ceux que j'aime bien, en fait. C'est... Nous, on a l'habitude de dire ta gueule entre nous, déjà. Ouais, mais genre ta gueule pour la ferme ou genre allez, viens ma gueule ou un truc comme ça, tu vois? Non, juste pour dire je t'aime. Ah oui, pour dire je t'aime, ok. Ouais. Bah, écoute, c'est une belle preuve d'amour. Oui, c'est original, pourquoi pas. D'ailleurs, la prochaine meuf que j'aurai, je lui dirai ta gueule tout le temps. Voilà, c'est ça, ta gueule. Adoré. Voilà, et genre parle-nous comme si tu parlais à tes potes pour voir. Bah, Mickaël. Ouais. Ta gueule. Ok, d'accord, bah écoute, très bien. Hein. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Bon, j'en ai un aussi, hein, donc t'inquiète pas, hein, moi je peux me défendre. Y a d'autres types de langage comme ça que t'aimes bien? Ou que t'aimes pas? Ouais, t'as changé. Mais pour dire quoi? Pour dire t'as changé? Non, par exemple, juste t'as changé, quoi. Ah oui, c'est le truc relou, tu sais, que tu vois quelqu'un, tu dis un truc, et le mec il dit ah, t'as changé, tu sais, genre. Ah oui, mais ça j'arrête pas avec Polo, depuis qu'il se la ramène, quoi, tu vois. Ouais, genre, putain, il se la ramène depuis que c'est une resta. Ah ouais, c'est plus le même. Voilà, c'est ça, c'est plus le même, ouais, il a changé. Ouais. C'est depuis qu'il a son émission, là. Ah oui, depuis Polo contre le reste du monde, là, c'est. Bah voilà, c'est ça, et il a changé. Et depuis qu'il a un jingle de Clara Morgan, alors là, je pense que là. Là, on a atteint un summum du summum, je peux te dire. Enfin bon. Attends, il y a aussi Seb qui est avec nous de Lyon. Salut le Lyonnais. Ouais, salut. Non, en fait, c'est Guillaume. Seb, c'est mon frère. D'accord, ok, bah, normal. C'est pas grave. De Lyon quand même. Ouais, c'est ça. Bon, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'était la ville la plus chaude de France à Lyon aujourd'hui, apparemment. Ah ouais, c'était affreux. Moi, j'étais allé à la piscine, mais en revenant après, je fais du vélo. C'est con ça aussi. Ils auraient fallu faire du vélo et puis aller à la piscine. D'ailleurs, la piscine était en train de bouillonner, apparemment. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, les meufs, elles sont chaudes à Lyon. Ah oui, mais là, c'était la ville la plus chaude de France, aujourd'hui, en tout cas. Bon, alors, Guillaume. Oula, on t'entend plus, là. Guillaume, reprends ton téléphone. Le téléphone a fondu. Hey, Guillaume. Ouais. Ah, voilà, maintenant, t'entends. C'est quoi ton tic de langage, toi, que tu supportes plus? Comme je l'ai annoncé sur Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun. Bah, très bien. J'aime pas ceux qui disent. Qui mélange de l'anglais et du français ou plusieurs langues. Ah, c'est toi qui as dit ça. Ouais, et c'est toi qui voulais le Daft Punk aussi là. Ouais, voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, sinon, pas un peu exigeant comme mec. Bah non, mais il a raison. Attends. Il demande. Non. Et sinon, j'aime pas ceux qui sont trop hésitants, qui disent qui disent tout le temps dans leur phrase. Ah bah toi, t'aimes pas les Américains alors? Voilà. Ah oui, parce que les ricains, c'est quand même violent parce que dès qu'ils parlent, c'est yes, of course. Il met toujours ça. Ouais, c'est pour ponctuer la phrase. Ouais. Mais parfois je me demande si le mec réfléchit vraiment à ce qu'il est en train de dire ou non, si c'est. Non, je pense pas. Hein. C'est vraiment juste pour laisser du temps. Moi je pense que c'est comme ça, il le met comme ça pour se marrer quoi. Et d'ailleurs, je vous propose pendant les prochains appels de Tof, là, malveillant, vous pouvez essayer de faire ça pour voir si ça fait chier les gens. Ah, avec des tics de langage. Oh, pourquoi pas, ça peut être une idée. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Ok. Eh ben, je vais te mettre Daft Punk si tu veux, Guillaume. Ouais, sinon je peux faire une petite dédicace. Et ok. Bah déjà dédicace. Ah t'as vu, t'as dit je t'ai grillé. Allez hop, coup de pelle dans la gueule. Vas-y, vas-y, tu veux le faire à qui? À une seule personne, choisis la bonne. Hein. Bah, petite dédicace aux Lyonnais qui ont eu chaud aujourd'hui. Ah ouais, je confirme, ouais, très bien. Et puis, bah... sinon, je peux faire une petite pub pour ma page Facebook animateur. Ouais, c'est quoi ta page Facebook? C'est Guillaume, plus loin, on air, tout attaché. D'accord, tu fais de la radio? A-I-R. Non, mais bientôt sur une web radio. Ah, donc c'est cool, bah quand t'en fais, tu nous rappelles. Tu fais ta promo avant de faire de l'antenne, t'es fort toi. Non, mais c'est bien, il rame du monde là, et puis après, comme ça, il pourra écouter. Non, mais c'est bien. Ouais. Bah et écoute, qu'un jour je prendrai ta place. Eh ben je te le souhaite. En tout cas peut-être pas la mienne. Tu préfères la mienne, celle de Polo ou celle de Toff? Voilà tienne. Ouais t'as raison, c'est la meilleure. Parce que franchement Toff c'est désespérant. Ouais mais justement oui. C'est là qu'il faut augmenter un peu le level. Ouais j'avoue. Ah ouais, c'est ça. J'avoue, paf, encore un tic de langage. Et voilà, j'avoue. Il y a un auditeur qui disait qu'il aimait pas les j'avoue. Sinon quoi tu disais Guillaume? Non, vous pouvez passer aussi Natirico My Sex Is Your. Ah bah je préfère Daft Punk, ça te dérange pas. Regarde, ouais, en plus il est là. Il est là, regarde, je l'ai déjà calé là. Hop là, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, celui-là que tu voulais, One More Time. Ouais, c'est un putain de bon son. Et ben, c'est un putain de bon son, effectivement. Bon, on le mettra tout à l'heure, il n'y a pas de problème, tu restes avec nous. Et salut Guillaume. Likez tous ma page Guillaume Honner sur Facebook. Guillaume Honner, très bien, le message est passé. Salut à toi Guillaume, merci. Ciao. Salut. Allez, à bientôt. Récupération de Virginie dans quelques minutes là. Virginie. Oui. Ah, la nouvelle mission en parleur. Le peuple est unanime, les auditeurs sont au taquet. Ils disent que pour ton bien, il faut appeler ton copain. Et Naomi qui dit appeler, ça sera drôle. Il y a Greg qui dit Mickaël sur Fun, ça m'énerve aussi ceux qui font E entre chaque phrase. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, c'est Richard qui dit appelle le mec de Virginie. Ben oui, mais je pense que c'est pour ton bien. Enfin, le futur mec de Virginie, rappelle-le pour Arnaud sur Facebook. Il faut l'appeler, continuer, il faut le rappeler, il était bien, il faudrait qu'on arrive à l'avoir. Oui, parce qu'hier on a eu le répondeur. Hein. Donc voilà. C'est vrai. Bah ouais, ça me paraît un bon plan ça. Bon, reste avec nous Virginie. On va faire les appels malveillants. Bah oui, attends, je parle pas de toi Virginie, rassure-toi. Hein. Ouais, bah vaut mieux. Ah bah non, j'ai pas dit que t'étais un bon plan, oulala, je me serais pas permis. Non, il y a tes mecs qui ont appelé et ils ont dit que c'était pas un bon plan. Ah bah bien sûr. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ouais, c'est ça, elle est énervée. Bon, reste avec nous Virginie, on va prendre dans un instant Anthony et Corentin pour parler d'orage. Et avant ça, eh bien, nous allons vous balancer le thème ce soir des appels malveillants. Alors, dans le genre bien bizarre, je viens de tomber sur un témoignage d'une meuf qui raconte qu'elle a fait l'amour avec un dauphin. Mais non! Si, elle a fait l'amour avec un dauphin. Alors, c'est pas la psycho échappée d'un asile qui raconte le truc, hein, c'est une vétérinaire qui faisait des recherches sur les dauphins. Ouais. Et ben voilà, du coup. Et du coup, elle a baisé avec le dauphin. Et du coup, elle a baisé avec Flipper. Voilà. Voilà, tranquille, gentil, quoi. Il est chelou quand même. Bon, il avait l'air de bien kiffer visiblement le dauphin, donc je propose que t'appelles quelques personnes, les appels malveillants en base de ça, pour voir si tes amis ont déjà essayé de coucher avec des animaux. Bah allons-y. Moi je te dis, voilà. Je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute. Voilà. Eh ben voilà, très bien, bon bah voilà, bon bah 23h31, on fait les appels dans quelques minutes. Céline qui dit j'aime pas les gens qui disent enfin bref. Elwen qui dit les gens qui disent et tout comme mon frère, trois fois par phrase, ça m'énerve. Et Flavien également nos limites qui dit putain j'ai peur des orages, aide-moi s'il te plaît, couvre-moi, je te considère comme mon dieu. Oh Flavien, faut pas avoir peur. C'est rien. Ah ouais mais hier soir c'était bien plus violent que ça. Bah je sais ouais mais cet après-midi aussi hein. J'étais à Bruxelles cet après-midi, je peux te dire que on a pris cher. Bon 23h32 sur Fun, allez bienvenue, c'est Ariana Grande qu'on écoute au cœur de 30 minutes sans pub et c'est le son de Problem sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Le son d'Ariana Grande sur Fun Radio, c'était Problem. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit, il est 23h35. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god ! Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, 23h35, les appels malveillants vont débarquer dans quelques minutes, quelques secondes même. Et encore plein de messages qui sont arrivés avec le hashtag Mickaël sur Fun. Moi je déteste le « y en a assez » comme dans les Marseillais. Ah oui, ça y en a beaucoup. Hein. Ah mais les Marseillais, c'est les pires, il n'y a que des tics de langage dans cette émission. C'est clair, en parlant de Marseille, je rappelle qu'on y sera dans moins de 15 jours, pas dimanche qui arrive, dimanche d'après, pour la fête de la musique, on fera l'émission, bah déjà on passera le week-end à Marseille, et puis surtout on sera là en direct de Marseille, dans les studios de Fun, sur le Vieux-Port, on fera l'émission en direct de là-bas, je compte sur vous pour venir nombreux et nombreuses au studio. Ah oui, nombreuses ah bah surtout. Oui, c'est nombreuses. Nombreuses. Oui, nombreuses, voilà, c'est ça. Il y a Oprix qui dit moi, ça me saoule les gens qui disent et tout à la fin des phrases. Et Eva, sur le Twitter, avec le hashtag et Mickaël sur Fun, les gens qui disent moi, je dis ça, je dis rien. eh ben tu dis rien, ferme ta gueule. Bah. En fait, en gros, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, grosso modo. Hein. En fait, en gros, c'est ça, grosso modo. Vous avez vu là ? Il y a pour faire simple aussi. Et pour faire simple, exactement. Ouais. Bon, allez, on va appeler maintenant, appel malveillant. C'est parti. Le principe est simple. On appelle des numéros que vous nous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr tous les soirs. Et puis là, eh ben, on est tombé sur un témoignage d'une meuf qui raconte qu'elle a fait l'amour avec un dauphin. C'est une vétérinaire qui faisait des recherches sur les dauphins. Et donc, du coup, elle a dit qu'elle avait déjà niqué avec un dauphin. Donc, c'est parti. Tout ça est tout à fait normal. Bah, c'est ça. Donc, du coup, Tof, tu vas appeler quelques personnes, les appels malveillants ce soir. Allons-y. Allez, c'est parti. Grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs. Continuez d'ailleurs. Hein, toph@funradio.fr. Dans un gros quart d'heure, il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu, hein, comme tous les lundis soirs. Attention, ça va être lourd, j'espère. Allez. Oui. Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à avoir des rapports sexuels avec des animaux. Allez vous faire foutre, monsieur, c'est de gros con. Enfoiré. Pourquoi vous dites ça, madame? Ah, merde. Bon, déjà raccroché, c'est pas grave, on va le rappeler alors. Bah, hein, oui. On va la rappeler du coup. Hein. Voilà. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà eu peut-être l'idée de faire l'amour avec un animal. Vous vous moquez de moi ou quoi? Ah non, pas du tout, monsieur, c'est une question, monsieur. Ah, ben allez, c'est bon, ça y est, t'as fini, je fais l'amour avec ta mère, espèce de PD que tu es. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? On saura pas puisqu'il a raccroché. On va quand même le rappeler, hein. Ah bah oui. Allez. Retour chez ce monsieur dans le sud, a priori. Bah attendez monsieur, je vois pas le rapport avec ma mère. Bon bah c'est, tu vas m'appeler quoi, toute la nuit? Bah non monsieur, mais vous répondez pas à ma question donc Bah c'est ça que je t'ai répondu, j'ai pas le temps à faire les animaux avec ta mère. Ah vous faites l'amour avec ma mère et des animaux? Bien sûr fils, tu es mon fils. Ah. Eh oui, alors n'embête pas ton papa hein. D'accord. Allez, ciao. Oui au revoir. Je savais pas qu'il avait l'accent du sud. Bah moi non plus, j'ai découvert ça tout à l'heure. Ah bah écoute, nickel alors, très bien, bah oui. Voilà. Voilà, je viens d'apprendre que mon papa... Bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle alors, donc ça y est, t'en fais un sudiste. Voilà. Voilà, on le savait pas, maintenant c'est, on le sait. C'est ça, ma mère me l'a appris. Voilà. Bon, on en fera d'autres des appels tout à l'heure justement, hein, si jamais vous avez envie de donner des numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que celui-là ou que celui-là. Va te faire enculer. Voilà, n'hésitez pas, toph@funradio.fr. Proposez et on fera ça avec plaisir dans moins d'une heure. Il y a Mante Dadou aussi, justement. Ce qui est saoulant, c'est aussi les gens qui disent genre à toutes les phrases. Love Fun Funny qui dit je déteste vraiment les tics de Tof, genre pas de ça entre nous. Il l'a pas fait là. Hein, il l'a pas fait le non, pas là, pas là. Pas mais pas là. Eva, je vous en mettrai un tout à l'heure. D'accord, je vais essayer d'y penser. Maeva qui dit moi j'ai mon prof de maths, à chaque fois il dit moi non plus. Attends, c'est quoi? Moi non plus, mais qu'est-ce qu'il est relou. Il dit moi non plus mais qu'est-ce qu'il est relou. Ou il dit moi non plus mais qu'est-ce qu'il est relou. C'est ça je pense. Bah mets une virgule quelque part Maeva pour qu'on sache qu'est-ce qu'il dit exactement. Andreas qui dit bah moi j'aime pas qu'on dit ham ou wesh. Wesh ça va bien ou bien. Et Naomi, oh, c'est une horreur ça. Hein. Naomi, moi j'aime pas les gens qui te font tu sais pas quoi, toi tu dis non et qui te disent bah je sais pas. Voilà, et hop, allez, vas-y, bouffe le mur. C'était le message de Naomi. Et Marie également, les miens, c'est genre ou en fait. Ouais, le en fait aussi, il arrive souvent. Moi, j'en ai aucun, ça c'est beau. Hein. Ouais, oui, mais c'est normal. Bon, s'il y a des auditeurs fidèles qui écoutent souvent et qui ont détecté des tics de langage que j'ai, n'oubliez pas, n'hésitez pas d'ailleurs, je ne le prendrai pas mal, rassurez-vous. Au contraire, c'est même bien de le savoir. Parce que parfois, on en dit des trucs, on s'en rend pas compte forcément, ouais. Donc allez-y. Hashtag Mickaël sur Fun sur le Twitter, vous nous appelez au 01 42 48 5000 et au 02 851 4 x 0 depuis la Belgique. Anthony qui est avec nous pour parler des orages là. T'es là Anthony? Ouais, je suis là. Ah, alors à Orléans, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des orages? Bah depuis 22h, c'est au-dessus de nous, ça bouge pas. Ah depuis 22h, j'ai vu tout à l'heure que c'était au niveau du Mans, justement. Que ça montait bon, et quand je suis arrivé vers Paris tout à l'heure, effectivement c'était déjà tout noir là, donc putain, ça risque. Les météos, nous ça tombe de Paris. Ah bon, alors je comprends rien, il y en a peut-être plusieurs, hein, je sais pas, hein. Je suis pas météorologue, mais... Ouais, mais donc du coup ça tombe fort, genre il pleut ou c'est un orage sec? Bah jusque là c'était un orage sec et là il y a depuis 5 minutes il pleut. Ça s'est bien flotté. Ah d'accord, ok, très bien. Bon t'es pas dehors, attention. Et n'oublie pas se mettre en dessous des arbres. Non. Non, mais attends, il est recommandé de tenir deux gros morceaux de métal dans chaque bien main. Bien sûr, et se mettre en dessous d'un arbre pour bien faire, et en tant qu'à faire. Mettre de hauteur. Voilà, c'est le plus important. C'est et ça. Les pieds dans une bassine. Bien sûr, exactement. Évidemment. Voilà. Non, non, mais je dis ça parce qu'il y en a qui ont peut-être tendance à se mettre sous un arbre pour se protéger de la pluie, mais mieux vaut être mouillé que sec et mort. C'est ça. Mouillé vivant que sec et mort. C'est ça, mouillé vivant que sec et mort. Ouais. Alors attends, il y a aussi Corentin qui est avec nous en Bretagne. Salut Corentin. Salut Mickaël. Bon, alors Corentin, comment ça se passe en Bretagne au niveau de l'orage, toi? Bah, il y a pas trop eu d'orage, il y a eu beaucoup de vent et de pluie. Ouais, bon, enfin, c'est l'habituel, ça. Ça y est, je vais me faire allumer par tous les Bretons, là. Eh, enculé, il pleut jamais peut-être chez vous, là? Ouais, mais si, oh, c'est bon. Bon, pas eu d'orage encore, mais je crois que vous êtes épargné, vous. Ah bah, pour une fois. Ouais, vous êtes épargné. Bon, pas par la pluie, mais par les orages. J'ai bien vu, ça monte de vers Biarritz et ça monte comme ça jusqu'en passer la Belgique, la Hollande et tout ça. Donc ouais, vous êtes épargné pour le coup. Donc ça va, t'as pas peur des orages, toi? Bah, non. Bon, bah, tant mieux. C'est quand le dernier orage qui t'a vraiment foutu les boules? Je sais pas. Moi, c'est juste. J'ai eu trop les boules. Franchement, moi, c'est cet après-midi. J'ai pas eu les boules, mais j'étais saisi. Vraiment, l'éclair et le son en même temps. C'est-à-dire que l'orage était au-dessus de ma gueule, quoi. Bah, le truc, c'est violent. Ah, d'une violence, même les murs ont tremblé, quoi. Mais en même temps, c'est beau. Waouh. T'avais Izzy, le chat, mon chat, il a sauté, il a fait 2 mètres au-dessus, en l'air, quoi. Bah, d'ailleurs, il est toujours accroché au plafond. Et bah, il est toujours là, d'ailleurs, hein, exactement. Tu disais, j'allais dire Izzy, tu disais Corentin? Une fois, genre, j'étais en train de dormir et genre, il y avait les orages aussi. Et genre, j'avais le volet ouvert et c'est quoi, 9h, 10h. Ouais. Et d'un coup, BAM! Et genre, tout est devenu blanc et j'ai su sauter en réveillant et tout. Ah, mais oui, mais ça fout les boules. Mais oui, il a si sauté. Mais oui, ça fout les boules, évidemment. Sursauté, on avait compris, bien sûr. Corentin et Anthony, merci à vous d'avoir appelé. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, tous les deux. Ah oui, je peux passer une petite dédicace? Eh ben, vas-y, Anthony, là, vas-y. À une seule personne, hein, choisis la bonne. Une dédicace à mon frère et ma belle-sœur. À une seule, donc voilà, donc là, les deux sont passés déjà. Hein. Et à ma chérie aussi. Et dis donc, Anthony, t'abuses pas un peu là, non? Bah non. Bah non. Si, normalement c'est une seule personne, t'en as fait 3 là. Bon. Ouais, mais c'est pas grave. Mais si, c'est très dangereux. Salut Anthony. Allez, à la prochaine. Ciao à toi, ouais Corentin. Je peux raconter vite fait une petite expérience que j'ai eue il y a pas longtemps. Qu'est-ce que t'as fait? À cause de l'orage. Vas-y. À cause du vent. Bah, en fait j'étais en scout et tout. Et je me suis envoyé. Non. Et à cause du vent, bah j'ai eu une grosse rafale et je suis tombé et j'ai eu tout le cheville foulé et tout. Oh putain, à cause de la rafale de vent? Ouais, il y a une grosse rafale, genre il y avait quoi, 110 et fou. Ah oui, côté, genre ça t'a fait dévier là? Ouais, dans le fossé, bam. Ah putain, moi j'ai eu ça aussi, je tombais dans un fossé, mais moi c'est parce que je regardais le ciel. Ah, et il y a un moment où il y a eu un petit virage et paf, j'ai fini dans des vignes au Portugal, c'est très pratique. Très intéressant d'ailleurs, mais bon. Bon ben Corentin, merci d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Et tu peux mettre c'est dans le canular, il y a, je sais plus trop quoi, c'était le Nissaner la pluie. De quoi? Faridou, tu veux un petit message de bienvenue? J'en ai déjà eu un, mais ouais. Non, mais il veut le Faridou, là. Nique ta mère à la pute. Voilà. Eh ben voilà, avec plaisir. Salut Corentin, merci d'avoir appelé, tu reviens quand salut, tu veux. Salut. Ciao à toi, on aura Alex pour parler d'orage, Christopher, Marion et Julien pour l'éthique de langage. Virginie. Bah alors, elle est où? Virginie. Bah, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, j'appelle son mec. Ouais, vas-y, hop, direct. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui viennent de débarquer, on l'a appelé hier, on lui a dit sur son répondeur qu'elle le kiffait, et donc depuis, pas de nouvelles. Allô? Ouais. Allô, Johan? N'est pas disponible pour le moment. Son répondeur. Ah ouais, t'avais qu'à décrocher de Virginie direct. À la fin de votre message. Je laisse un message, Virginie. Hein. J'ai rien à foutre, je laisse un message. Non. Vas-y. Salut, allô, Johan, bonsoir, c'est nouveau le frère de Virginie là. Elle m'a expliqué que tu croyais qu'on était à la radio, en fait pas du tout. Enfin, si, c'est-à-dire qu'on était à la radio parce que je bosse à la radio, mais ça n'empêche pas que je suis son frère quand même. Et donc, voilà, donc tout ce que je t'ai dit hier, évidemment, est vrai. Et voilà, tout simplement, elle était en kiff sur toi. Et bon, bah voilà, elle est toujours d'ailleurs à la recherche de savoir si oui ou non, toi aussi, tu l'es. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a, Virginie? Ah, tu veux dire un mot? Bon, attends, bah elle veut te dire un mot, Johan, là, bouge pas. Bon, bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Oh non, mais comment tu veux que ça marche si tu l'insultes, Virginie? Ça veut rien dire. Va te faire enculer, gros bâtard. Bon, c'est mort, alors. Bon, bah, écoute, désolé, Johan, hein, je pensais qu'elle te kiffait, mais bon, visiblement... Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore, là? Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Oh, bah, alors, bah, super, bah, parfait. Bon, attends, on va avoir une discussion ensemble, là. Je te promets, Mickaël. Faut pas faire des conneries comme ça, non, mais là, voilà, faut arrêter vos délires un peu, faut savoir rigoler, hein. Bah, c'est ce qu'on fait. Non, mais... Bah, on rigole, là. Bah, en fait, j'entends bien. Non, mais c'est rigolo. Mais oui. Ou alors, c'est parce que je suis un bon acteur, mais comme s'il allait croire que c'est toi qui disais ça derrière. Et puis, c'est pas du tout ton accent. Bah c'est pas du tout ta voix, c'est pas ton accent, ça s'entend. Dis un peu ferme ta gueule gros bâtard. Ferme ta gueule gros bâtard. Tu vois? Ferme ta gueule gros bâtard. C'est pas du tout la même chose. Non, ça a rien à voir. Hein, c'est un peu comme si Toff disait ça et Clara Morgan derrière. On peut pas se dire c'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Bon, ouais. Virginie. Oui. Bon Virginie, t'auras des nouvelles quand? Tu penses demain là ou ce soir encore? Non, bah justement, j'étais en train de vous dire. C'est parfait. Tu veux dire ça après la Virginie? Attends, parce que là, tu nous dis ça après la Virginie. Virginie, attends, on peut pas Virginie, y avoir. Okay, attends, okay, deux secondes, Virginie. T'en Virginie, bouge pas. Virginie, bouge pas de là. Vous restez tous là, on va se mettre le son de Pitbull, on l'avait demandé tout à l'heure avec We Are One. On l'avait demandé avec le hashtag et Mickaël sur Fun. Pas de problème sur le Twitter, continuez à envoyer vos messages. Appelez-nous au 01 42 48 5000 et par SMS, ça marche aussi, écoutez ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie! Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux! Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top! Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Eh oui, on est en direct, il est 23h52. Il y a Corentin qui dit vous êtes les meilleurs, Mickaël. C'est cool, merci Corentin pour le message, ça fait plaisir. Julie également qui dit le mécouille, merci à mon homme pour ce tic de langage. C'est toujours très élégant pour une femme de dire ça. Oui, effectivement, ouais, c'est clair. Il y a Geoffrey qui dit avec le hashtag Mickaël sur Fun. Oh la vache, un éclair vient de passer dans ma chambre, j'ai flippé ma mère. Sébastien, coucou l'équipe, moi j'ai chopé un tic de langage à cause de Polo, c'est ça passe crème. En fait, nous on l'a chopé à cause de vous. Bah oui. Parce qu'il y a plein d'auditeurs au début, vers le mois de juillet-août, quand on était là, qui disaient ah ben ça passe crème. Et du coup, on le fait aussi. Ah oui, c'est pas de notre langage. Voilà. Hein. Et en fait, à la base, on disait pour rigoler, et puis finalement, il y a des moments où il passe tout seul, quoi. Et oui, il passe crème. Il passe crème, c'est ça. Il y a BlueShark710 sur le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun, mon prof d'histoire géo, qui dit tout le temps le fait est et en somme. Ah oui, ça c'est bien un tic de langage de prof. En somme, vous pensez que le fait est que Flavien aux limites aussi sur Facebook. Moi, je suis de Sartrouville et ça pète grave. Et Romain qui dit en centre-Bretagne, il a fait beau, mais un truc de ouf, 28 degrés. Oh là là, oui, pour la Bretagne, c'est chaud ça. Et Jérémy également qui dit, moi, mon prof de français avec un tic de langage, il disait tout le temps, vous me comprenez. Et sa meilleure phrase de l'année, c'était, vous me comprenez, est-ce que vous comprenez ce que l'auteur ne comprend pas? Ce n'est pas difficile à comprendre pourtant. Ah bah oui, effectivement. Non, ouais. Ça, c'est horrible, c'est les profs de français qui dessèquent un bouquin et te fait, oui, l'auteur a pensé à ça. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, c'est ça, tu sais pas. Ouais, genre, il est dans la tête. Il est meilleur que Flaubert ou Hemingway. Il est dans la tête de l'auteur. Alors tout le monde sait s'il est prof de français que c'est ça un tocard. Non, ouais, c'est ça. Parce que sinon, il aurait écrit des bouquins. Polo n'aime pas les profs de français. Bon, 23h53, retour avec Virginie dans quelques minutes. On va parler d'orage avec Alex. On va parler des tics de langage avec Christopher, Marion et Julien. On aura la colle avec Franck. Et puis on va se faire le chéri, je peux te faire cocu. Le chéri, je peux te faire cocu. Que nous allons faire avec Nathalie. Bonsoir Nathalie. Oui, salut Nathalie. Nathalie de Perpignan. Oui, de Perpignan. Tiens, tu vas souvent à la Jonquera? Oui, je vais souvent à la Jonquera. Ah, pourquoi, pour les putes? Non, qu'on en parle souvent dans l'émission, et souvent les auditeurs qui disent ouais, non, mais on va là-bas, on passe la soirée là-bas. Enfin bon, bref, il faut voir des putes, quoi, en gros. Hein, c'est aussi simple que ça. Tu vas pour quoi, toi, du coup? Oh, moi, je vais pour faire du shopping. Shopping, d'accord, ok, très bien. Oui, bah oui, pourquoi pas. On va donc faire un petit chéri, je peux te faire cocu maintenant, puisque c'est pour ça que tu nous appelles. On va donc jouer. Comment s'appelle ton mec? Marc. Il s'appelle. Pourquoi t'as réfléchi? Parce qu'elle s'en souvient pas bien. Elle a changé récemment. Ah, parce que comme t'as fait Marc. C'est genre, t'avais peur de donner un deuxième prénom. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Nous, ça nous dérange pas. T'es avec lui depuis combien de temps? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois, ok. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Éboueur, d'accord, ok. Et toi, tu fais quoi? Attends, éboueur, c'est quelqu'un qui fait le mec qui ramasse les poubelles sur Facebook? Ouais, c'est sur Internet. Facebook, c'est sûr. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais rien. Tu recherches quoi? Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, on va y aller. Où est-ce qu'on aura pu se rencontrer récemment? Où est-ce que t'as été dans un endroit? À l'NPE. Ah, au Pôle emploi, ça n'existe plus, l'NPE. D'accord, oui, ok. Pôle emploi. Ok. Enfin, c'est toujours au même endroit. Oui, oui, non, d'accord, mais bon, c'est juste, ça n'existe plus. Ok, eh ben écoute, on a tout. Il est du style à s'énerver rapidement ou pas? Oui, oui, s'énerve rapidement. Ok, hein. Est-ce qu'il a comment on appelle ça? Des défauts. Pas des défauts, mais des complexes. Oui, ses cheveux. Quoi, il a plus de cheveux ou ils sont gris, il perd Non, il a plus de cheveux. Ah, il a plus de cheveux. D'accord, ok, donc il est chauve. Eh ben écoute, ma foi, ça me paraît pas mal. On va donc l'appeler. Alors moi, c'est Michel. On s'est donc rencontré à la NBA, enfin au Pôle emploi. Tu m'as, je t'ai accosté, on a discuté, etc. Là, t'es chez moi. T'es dans quelle ville d'ailleurs? Ah oui, Perpignan. Tu lui as proposé une annonce. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, en gros, tu lui demandes simplement s'il est d'accord qu'on couche ensemble ce soir, juste à one shot. En gros, tu l'appelles, tu lui dis, chérie, est-ce que je peux te faire cocu? Grosso modo, c'est un petit peu ça. D'accord? D'accord. Allez, on y va. Nathalie, c'est parti. Bonne chance. On appelle Marc tout de suite. On y va. Allez. Oui. Et la patate, Nathalie. Hein. Oui, oui. La patate, la pêche, la forme. Hein. Oui. Là, ça s'entend pas des basses quand même. Hein. Pourquoi t'appelles en masqué? Allô? Oui. Oh. Oui. Oh. Oh, tu vas t'éclater. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je vais me faire démonter. Oui. Oui, c'était pour te demander ce que je peux te faire conclure. Ah putain, cache comme ça là. Sans autre. C'est ce qu'on appelle. Allô? Avec du gravier. Oui. Ah, il a oui, répondu est-ce oui. Est-ce que je peux te faire cocu? Il n'y a pas de bonjour. Non, ça sert à rien. Cocu, oui, pourquoi? Là, on est bien. Ah, il nous a tué le jeu dans l'œuf, la coquille. Oui, oui, pourquoi? Ah, d'accord, ok. Bah, je te demande, est-ce que c'est oui ou non? Oui, pourquoi? Oui. Attends. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit oui. Ah, il est d'accord? Oui, il est d'accord, oui. Bon, bah, génial! Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Il le prend un peu mal, quand même, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'il le prend un peu mal. Il est pas très content. Ah bon? Bah, écoute, passe-le moi, si tu veux, on peut faire connaissance. Ouais, tiens. Bah, oui, mais d'accord, mais... Allô? Attends, j'ai coupé le téléphone, oui. Allô? Ah bah, il faut pas couper le téléphone, sinon on s'entendra plus. Bah oui, oui. Bah oui. D'accord. Bon, Michel. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, on s'est rencontré avec Nathalie au Pôle emploi. Ben, je n'apprécie pas trop, hein. Oui, non, bah, je me doute, mais moi, je savais pas qu'elle avait quelqu'un, donc en fait, je l'ai accosté, et puis... Mais moi, ça me plaît pas trop, ça. Oui, non, bah, j'ai compris. Mais je savais pas qu'elle avait quelqu'un, moi. Donc, du coup, après, elle m'a dit, ouais, mais je suis avec quelqu'un. Je lui dis, bah, écoute, c'est pas grave. On a qu'à. Ah, bah, pas grave, si, c'est grave. Non, mais bon, je lui ai dit, bah, t'as qu'à lui demander. Et puis voilà. Et donc, du coup, on te demande, est-ce que c'est juste un one shot, hein, c'est pas plus, hein. Ouais. Est-ce que c'est possible ou pas, juste un one shot? Oui, si. Ah. Sûr. J'apprécie pas trop du tout, hein. Non, mais je sais bien, mais t'es d'accord? Oui. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, alors, c'est génial. Eh ben, merci beaucoup, alors. Merci, au revoir. Au revoir, hein. Eh, Nathalie. Oui. C'est sérieux, là? Mais c'est ouf. C'est la première fois. Le plus court. Le chéri, je peux te faire coquille, le plus court du monde. Bon, alors, juste, Nathalie, combien tu mesures? Oui. Combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu, Nathalie? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Ah oui, quand même. Et la taille des pantalons que t'as acheté? 36. Bah, je prends mon tour. mais pourquoi il dit oui? Je comprends pas. Bah, tu sais ce qu'on va, tu sais ce qu'on peut faire? Elle a qu'à faire le jeu du je t'emmerde. Ouais. Non, attends, on va le rappeler. Attends, on va le rappeler. Bah, on va improviser un autre jeu puisqu'il nous a tué le jeu là. On va le rappeler, puis finalement, moi je vais le rappeler, je vais dire non. Non, en fait, finalement, je veux pas. Tu peux venir la chercher. Ouais, on va plutôt faire ça. Bah oui, parce que sinon il nous a tué le jeu là. Attends, on le rappelle. Oh, le chéri peut te faire cocu le plus improbable de l'histoire. Alors là, c'est bon, la d'accord. Première fois. Ça me fait chier, mais d'accord. Oui. Le mec. Attends, on rappelle. Attends, bouge pas, Nathalie. Hein. À la limite, appelle-le encore et dis-lui que toi aussi t'es d'accord que tu le fasses cocu, qu'il te fasse cocu un soir. D'accord. D'accord, allez, vas-y. On n'a pas entendu là. Allô? Non, attends, il n'a pas décroché, enfin, ça n'a pas sonné encore, bouge pas. Ah, il manque Anthony. Oui, allô? Oui. Oui, oui, je t'ai dit, je suis d'accord, tu peux me faire cocu, hein, de ton côté. Hein. Oui, d'accord. Bon, on se voit, qu'est-ce qu'on fait, là? Non, mais j'ai dit, si tu veux avec quelqu'un d'autre, tu peux y aller. Hein. Mais c'est quoi ces conneries, là? Ah, quand même. Non, mais si t'as envie d'aller avec quelqu'un d'autre, tu peux y aller. Hein. C'est pas ouais, des conneries. Non, mais parce que sinon, moi, j'ai une copine, je peux lui présenter. Hein. Ouais, mais j'apprécie pas trop. Il peut te présenter une copine, il a dit qu'il apprécie pas trop. Ah bah oui, non, mais je me doute. Non, mais elle est bien, la copine, attention. Hein. Ouais, mais moi, je vais venir, on va régler ça si tu veux. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'il va venir, il va régler ça avec toi. Bah comment ça, pourquoi faire? Bah, tu viens, Attends, mais passe-le-moi, sinon. Attends, passe-le-moi, passe-le-moi. Bah ouais, tiens, je te le passe. Mais je te le passe, d'accord. je ne sais pas trop, mais bon. Allô ? Oui, allô, oui. Oui, bonjour, c'est Michel à nouveau. Michel, on s'était eu tout à l'heure au téléphone. On va régler les codes, si tu veux, Michel, ensemble. On va régler quoi, les codes ? Non, pas les codes, les comptes. Les codes ? Oui, les codes, oui, si tu veux, oui. Mais quel code ? Ah ben, lequel que tu voudras. D'accord. Ouais. Bah, tu veux pas que je te présente une copine, alors ? Non, j'en ai pas besoin, moi. Non, mais comme ça, on fait un petit... On fait juste un petit échange, comme ça, vite fait, quoi. Non, des échanges, non. Non, mais juste un soir, hein. Non, même pas. Ah, non, d'accord, ok. Donc, t'es d'accord, alors ? Ben oui. Ah ouais. C'est marrant, hein ? Ben oui, c'est marrant, oui. Il est d'accord. Ben pourquoi ? Comment ça se fait ? Bon, je suis pas trop... Mais bon, c'est pas... j'apprécie pas trop, quoi. Non, ça, j'ai compris que t'apprécies pas, mais... Mais donc, t'es d'accord ? Oui. Bon, eh ben... Bah Nathalie ! Oui ? Bon, bah, il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Bon, ça nous a tué un peu le jeu, ça, quand même. Hein. Bon, du coup... Il faut faire une exception. Dans la vie, il faut faire pour moi une exception. Oui, bah, je sais bien, ouais. Bon, bah, Marc ! Oui. Bon, écoute, on aurait préféré que tu dises non et que tu t'énerves un peu, hein. Oui. Puisque t'es sur Fun Radio, là, c'était le chéri, je peux te faire cocu. Et c'est la première fois qu'on nous dit oui, donc on est un peu surpris. Ouais, c'est on n'a pas l'habitude. D'habitude, on se fait insulter, etc. Et là, première fois qu'on dit oui, donc c'est bizarre, hein. Parce que la semaine dernière, on avait eu ça quand même, hein. Vous êtes des gros putes. Voilà. C'est quoi, je vais te prendre, toi et là, ton mari, là, je vais vous prendre, je vais vous séquestrer dans une cave. Là, vous aurez le temps de baiser, là. Vous allez en trouver, par contre, je vous le dis. Ah oui, effectivement, oui. Bon, ben voilà, donc ça a été plutôt calme, hein, donc, bon, bah, merci d'avoir participé, hein. Merci beaucoup. Le meilleur de l'année, mais bon. Salut, Marc. Oui, au revoir. Oui, bah, au revoir, oui. On reste quand même bouche bée, là, quand même. Je l'apprécie pas vraiment. Oui, bah, non, ça, on a compris, hein, qu'il apprécie pas vraiment. Bon, si vous voulez qu'on le réécoute un autre, un vrai, là, qui a bien cartonné, ou si vous voulez qu'on en fasse un autre tout à l'heure, n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur Fun, on en parlera. Enfin, on en fera un autre tout à l'heure si vous voulez. On en remettra un bon vieux bien lourd, bien gras. Ah oui. Un bon bien gras, bien baveux. Éventuellement bien baveux, avant 2h du mat. Donc vous nous dites, s'il y en a que vous vous souvenez, il y en a un en particulier qui vous a marqué, bah, vous nous le dites et puis on le repassera avec plaisir tout à l'heure. Il y a Corentin qui dit joli tic verbal, j'apprécie pas trop. Ça c'est vrai. Il m'a tué avec le j'apprécie pas trop, c'est Damien. Il y a Jean-Pascal qui dit putain, c'est la première fois qu'on dit oui, cocu, le mec est cool. Ouais, c'est clair. Bah là pour le coup, vraiment, hein, vraiment. Abdou sur le Twitter, what the fuck, c'est quoi ce chéri, je peux te faire cocu le plus chelou de tous les temps. Valou également, bah il est sympa lui, au moins il permet à sa femme de lui faire cocu. Oui c'est ça, c'est un couple vert. C'est un mec cool moi je voilà. Trouve. Brandon également avec Mickaël, avec le hashtag Mickaël sur Fun sur le Twitter. Juste mort de rire celui-là, le mec qui dit oui la fin du game. Oui, ça tue le truc hein. 3 minutes le truc était torché. Sandra B aussi, mais pourquoi il dit oui ? Bah oui, c'est la question qu'on s'est posée. Céline également, le mec qui dit oui, c'est incroyable. Ness également sur le Twitter, là bon bah c'est con s'il est d'accord, hein, le jeu est fini, c'est ça. Maminova, c'est très très fort, oui, on s'y attendait pas, comme vous avez pu le remarquer. Ness également, le gars qui est d'accord, c'est mort de rire. Mystique aussi, c'est quoi ce truc de fou. Bastien, le cool, le mec, il est éboueur, il devrait changer son travail avec Toff. Oui, c'est une idée également, hein, pourquoi pas. Et Maxo qui dit, pourras-tu dire à Polo que je serai bientôt de retour à Bikini Bottom. Je passe mes examens là, c'est pas fun du tout. Ah bah oui, Maxo Picsou, mais bon là, on peut faire on peut faire un mix des deux éventuellement. On peut faire un tour à l'asile plutôt. Ouais, c'est ça, ça peut être bien, un petit mix des deux là, pourquoi pas. Bon allez, minuit 4 sur Fun Radio, on va se faire les teubés de la télé dans quelques minutes. Virginie qui va être de retour. On parlera d'orage avec Alex. On aura Marion et Julien pour parler des langages. Restez bien là, on va vous prendre dans quelques minutes. La colle également avec Franck. Et puis le son de Pitbull. On l'avait demandé tout à l'heure. Pitbull avec Gio. C'est We Are One sur Fun Radio. C'était Pitbull et Gillo à l'instant, We Are One sur Fun. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours au cœur de 2h sans pub. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous repasse dans quelques minutes le nouveau son de David Guetta que vous avez écouté toute la journée, toutes les heures sur Fun. Eh bah oui, c'est normal, la radio des nouveautés, c'est Fun Radio. Et David Guetta a normalement choisi la meilleure. Hein. David Guetta, Blast Off. Ah, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, bah, je vous conseille de rester bien là puisque c'est juste du très très lourd. Voilà, je vous le passe tout à l'heure, donc restez bien là, hashtag et Mickaël sur Fun, continue à balancer tous vos messages. Et puis on va se faire les teubés de la télé, promis, juste après on récupère Virginie qui attend depuis longtemps, donc on va la récupérer. Et nous allons. Ah oui, putain j'ai oublié de vous dire aussi, mais il y en a beaucoup qui nous ont demandé de remettre le un chéri, je peux te faire cocu. Et celui qui vous a le plus. Enfin, il y a eu beaucoup des demandes, mais je veux dire, un de ceux qui vous a le plus marqué, c'était celui-là. C'était quand on avait appelé un couple, c'était en Belgique évidemment, et ça avait donné ça. Écoutez. Allô. Quoi le bazar? C'est qui ce connard là? Pourquoi tu t'énerves, bébé? T'énerves pas. Ça fait rien. Attends, voilà, il y avait ça. Baiser ton cul, je vais mettre une bite dans ton cul, tu vas voir c'est quoi, c'est connard. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Oh, putain, pardon, je vais te mettre une gomme dans ta gueule, connard. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Demande pardon à Michel. Ta gueule, demande pardon, Michel. Voilà. Excuse-moi de quoi, là, on va peut-être reculer, ouais. Excuse-toi d'avoir été aussi grossier. Voilà, il était tellement gentil celui-là qu'on va vous remettre dans un instant. Il était épique. Et voilà, c'est adorable. Ça. Il était adorable. Il était magnifique, très gentil. Bref, un des meilleurs également. Bon, teubé de la télé. Quand un journaliste est en direct et qu'il faut lancer un sujet qui ne part pas, eh ben, ça donne un gros moment de solitude. Quelles sont les infos à la une dans le monde? Voici le JT des JT signé Juliette Vallon et Véronique Darrocha. Le JT qui doit arriver. Oui, mais on attend. Alors que fait-on dans ces cas-là? On compte. 1, 2, 3, 4, 5. Le JT des JT qui arrive, me dit-on. Il va arriver, il arrive, il est là. Tout prêt. Et ben voilà, bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'au moins elle s'est comptée jusqu'à 5. Oui, c'est ça. C'est déjà quelque chose de plutôt positif. Et qu'elle s'est meublée, ça. Voilà. Bon, ah oui, tout à fait, oui. Bon, dans les anges, là, tout va bien, évidemment, puisqu'ils s'engueulent. Moi, j'étais déjà en talon aiguille, j'avais déjà du rouge à lèvres et des strings, elle était encore dans les pompons de son père, hein, donc. Calme-toi. Oui, pompons de son père. Non, les concons de son père. Ah, les concons, pardon, tant pour moi. Et puis dans les ch'tis contre les Marseillais, ils font quoi? Eh ben, ils s'engueulent. J'ai pas ta tartine, je mange, je parle. Tu fais ta life, on s'en fout. Bah, c'est toi alors, me parle tais-toi, pas. Mais tais-toi, mais tais-toi. Non, c'est bon. Tous les matins, c'est pareil. Non, non, me tirez pas. Mais tous les matins, c'est pareil. Tais-toi. Oh, écoutez. Voilà, et ça s'engueule, Ah, ils sont de bonne humeur. Je rappelle qu'on sera à Marseille hein, dans 15 jours, dimanche, pas prochain, mais celui d'après, le 22 juin, on fera l'émission en direct du Vieux-Port, puisqu'on sera dans les studios de Fun Marseille. Et comme on est plutôt bien situé, puisque Fun, ils sont blindés, ils ont le studio qui est face au Vieux-Port. Et ça, c'est bon. Donc on va se mettre plutôt pas mal. Voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, vous serez évidemment les bienvenus. Il y a Harry Les qui dit, j'ai un tic quand il y a quelqu'un qui dit pourquoi et qu'un autre dit et pourquoi pas. Ah oui, ça c'est un peu relou aussi. Damien qui dit coucou les gars, enfin je vais pouvoir vous écouter peinard, je suis en vacances, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue pour mon cousin qui écoute pour la première fois? Tranquille les vacances déjà là maintenant hein. Mais va te faire enculer, bah voilà. Moi, je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute va. Voilà, très sympathique celui-là aussi. Adorable. Corentin, salut Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue? Bah toi aussi tu peux en avoir un. Mais va te faire enculer. Voilà, c'est dans la même veine en tout cas hein. Jen Jen qui dit en fait, au début de phrase, en fin de phrase, en lieu et place d'une virgule. Ah oui, on met le en fait à cette place-là, effectivement. Aurélie qui dit le t'es sérieux, qui peut revenir aussi ouais. Là, en termes de tic de langage. Romain qui dit le tic de ma prof d'histoire, c'est tutoyer la classe entière. Laura qui dit moi j'aime pas les hey, cousine. Ah ouais, ça c'est relou hein. Jimmy moi, ça aussi, c'est que dans le sud. Ouais, si Mickaël t'as un tic de langage, il a dû. Attends, c'est quoi? Il a dit ah oui, il a dit oui dans le chéri, je peux te faire cocu quand je rends fou les gens en disant ah, il a dit oui. Ouais, c'est vrai, dans le chéri, je peux te faire cocu. Effectivement, Jimmy, il y a Camille avec un K qui dit putain, après 7 ans d'écoute, j'arrive pas à trouver un défaut de parole, Mickaël. Mais merci. C'est normal, Mickaël est parfait. Merci Camille avec un K. Tommy également, Mickaël dit tout le temps n'hésitez pas. Oui, bah n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à appeler, effectivement, ouais. Il y a le effectivement peut-être aussi. Naomi qui dit Mickaël, tu dis toujours allez-y. Bah oui, mais qu'est-ce que je vous dis, je vais pas vous dire stop, arrêtez. C'est vrai, c'est ça, c'est pas un tic de langage, ouais. Ça, c'est une habitude. Ben voilà, exactement. Ben Ladédingue Bogos qui dit sur le Twitter, Charente-Maritime, c'est alerte orange et c'est chaud là. Et Damien aussi, chez moi il faisait trop chaud cet après-midi. Guillaume également aussi qui dit Mickaël sur Fun, passe One More Time. Oui, j'ai pas oublié, hein, je te le passe après. Le One More Time, c'est le prochain son d'ailleurs que je te passe, ce sera celui-là. Comme promis, tu l'as demandé, je te le mettrai. Le son des Daft Punk avec One More Time. Mais avant cela évidemment, il y a le grand retour de Virginie qui a nouveau sa radio fond balle. De quoi? Balle. C'est bon là, on a un hit. N'importe quoi. Mais si, attends, on entend tout résonner 15 fois là. Va te faire enculer, gros bâtard. C'est désagréable, Virginie, on est d'accord? Mais bien sûr, c'est ça, oui. Voilà. Oh, elle a l'air triste, Vivi. Bon, Vivi, qu'est-ce qui non, va pas? Non, pas du tout. Gros botteur. Bon, alors, on a appelé ton mec. Est-ce que t'as eu des nouvelles? Tout à fait, oui. Alors. C'est pas mon mec, déjà. Oui, enfin, c'est pas ton mec, ton bah, là, ça l'est plus. Hein. Bon, on n'est pas dans le détail, ton futur quoi. Mec, quoi. N'importe quoi. Bon, alors, vas-y, accouche. Donc, je lui ai envoyé des SMS, là, entre deux. Entre, depuis qu'on l'a appelé, il y a une vingtaine de minutes. Non, pendant le cours de l'émission actuelle. Oui. Oui. Étant donné qu'il a un boulot assez difficile, il a une vie de famille, c'est-à-dire il a deux enfants à charge. Mais il est marié ? Non, pas du tout. Ah, bon, malheureusement pour moi, j'en dirai pas plus. Ouais. Quoi, la femme est morte, tu dis heureusement. S'il vous plaît, Mickaël, du respect. Hein. Ah, c'est pas moi, c'est Polo. C'est pas moi, c'est Toff. Regarde, je le mets une minute au coin. C'est Toff. Voilà, je le mets une minute au coin. Il peut plus parler pendant une minute. Toff, il est condamné. Voilà, bon, alors vas-y, Virginie, là, on veut tout savoir. Là, qu'est-ce qui s'est passé avec la dame ? Tu l'as tuée ? Ça va pas bien, non. Mais je sais pas, je demande. Non, mais ça c'est la vie privée, c'est leur vie, c'est sa vie privée, c'est tout, ils sont plus ensemble et puis voilà. Bon, bah ils sont plus ensemble. Ah, donc, tu m'as fait peur, mais parce que tu dis malheureusement. Non, mais après, je me suis rattrapé, j'ai dit heureusement pour moi. D'accord, ok. Bon, alors, donc il est célibataire, tout va bien. Et donc, je me répète, durant l'émission là qui est actuelle, on s'est échangé de quelques SMS et... Ouais. Il était un peu énervé parce que il a un boulot assez difficile et deux enfants à charge et bon. Non mais d'accord. Et non, je lui ai dit, est-ce que tu préfères qu'on reste en contact amicaux ? Il m'a répondu oui. Est-ce que tu préfères qu'on reste en contact avec quoi ? Amicalement, contact amicaux, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Ouais, peux revenir, c'est bon ça, Sonny. Déjà que j'étais spolié. Honteusement, oui. Je préfère qu'on l'appelle, ouais, mais ce soit moi qui lui laisse un message sur son répondeur si c'est possible. Mais avec plaisir, Virginie, écoute, sans problème. Non, mais sans faire des conneries. Tu as ma parole. On fait jamais de conneries dans cette émission. Croix de fer, si je mange, je meurs d'enfer. Mais bien sûr. Mais oui. Non, mais sérieusement, s'il vous plaît. Je ne dirai rien. Hein, on s'engage. Non, tu t'engages. Ah, non, on s'engage. Non, tu t'engages. Avec son t-shirt de l'asile, là, depuis tout à l'heure, il me perturbe. Oui, parce qu'il a un t-shirt de l'asile, hein, où il est dans une institution. Institution mentale de New York. Voilà, c'est ça, c'est magnifique. Bon, eh ben, écoute, on va l'appeler. Tu vas lui dire quoi ? Bah, je sais pas encore, mais j'ai quelques idées, c'est tout. Bon, non, je ne dis rien. Il n'y a pas de problème. Non, mais... On ne dira rien. Il ne dit rien. Personne ne dit rien. Mmh. Ok. Mmh. Bon, on y va. Pendant que ça compose, je vous ai mis une solution parce qu'il y a plein de bordel en France, en Belgique, avec la grêle et tout le bordel, les orages. J'ai mis une solution pour protéger la voiture, hein, parce qu'on a bien vu que à Bruxelles samedi soir, c'est dangereux. Il y a plein de voitures qui ont eu plein d'impact. Putain de crédon, toi. Bah voilà, c'est ça. Il y a eu plein d'impact sur les voitures sont foutues, etc. Donc j'ai une solution. Je vous l'ai mis sur le Facebook et le Twitter. Solution imparable pour protéger la voiture s'il n'y avait pas de garage. Mais oui, mais bon, c'est pas le centre du monde, Maubeuge, cher Chenille. C'est ma ville, Mickaël. Oh, ok, pour votre temps. Parce que j'ai eu le maire de Maubeuge, apparemment, il voudrait que tu ailles à Valenciennes. Le maire. Ouais. À Valenciennes, pourquoi il irait faire. Bah, parce qu'il préférerait que tu ailles à Valenciennes. Ah, il en peut plus. Bah, pour Kéfer, je sais pas moi, pour Kéfer. Je suis pas zinzin, je suis pas criminel non plus. Hein. Non, mais il a dit, nous, Virginie, on veut plus. Apparemment, tu serais wanted à Maubeuge du fait que t'as tué la femme de ton futur mari. Ouais, une petite abobeuse, ouais, c'est ça. Ouais, parce que t'as tué la femme de ton futur mari, donc ça se fait pas. N'importe quoi. C'est vrai. Bon, on l'appelle ? Avec plaisir. Bon, allez, c'est parti, on y va. On l'appelle pas, parce qu'on a plus le numéro, là. Le numéro, là, de monsieur Vivi, là. Non, parce qu'on l'a plus dans le standard, on va le remettre. On va le remettre, on prendra Marion après avec l'éthique de langage, là. Alors, c'est bon, là, on y va. Allez, vas-y, Virginie. Tu veux que je joue un peu de guitare derrière ou pas pour habiller ? Ah ouais, pour habiller. Non, pour habiller. Ouais, c'est pour souligner le côté romantique. C'est pour habiller. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, écoute, moi, c'est pour. C'est pour rendre service. Non mais ça arrête. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message. Allez Virginie. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Je chante de loin. Ouais, excuse-moi mais Bah écoute, je te laisse ce message répondeur là, comme c'est expliqué par la SMS. Ouais, c'est bon, non, t'as un homme superbe. C'est attirant, moi, franchement, tu m'attires énormément. C'est vraiment impressionnant. Ah, moi, j'aurais la goule en attendant. Mais c'est moi, je bande, aussi, qu'on reste en contact amicalement, ce serait mieux. Mais si tu veux, un jour ou l'autre, on peut se voir et se rencontrer, voir un verre et voilà, sans plus. Et tu prends me fou. Allez, sur ce, je te laisse. Un C4, bisous. Le mec, allô. Ouais. Bon bah nickel, hein, c'est passé crème, hein. Tu veux pas qu'on le refasse? Tu veux qu'on le rappelle ou pas? Propre. Ah non, demain il travaille. Et oui, bah c'est sûr qu'on va le réveiller avec le répondeur. Ah non, il y a ses gamins, il y a ses enfants, non. D'accord, non, ok, non. Ok, d'accord, pas de problème. Bon Virginie, du coup on te rappelle demain pour avoir des nouvelles. Ouais. À quelle heure? Eh ben par là. 22h55. Plus ou moins. Ok, y'a pas de soucis. Bah, parfait, alors c'est nickel. Bon bah salut à Maubeuge, hein. Et non, j'habite à Maubeuge, hein. T'habites où? À Venelle. À Venelle, ah bah oui, c'est vrai, effectivement, oui. Très bien. Bon, bah salut à Venelle, alors. Et Mickaël, y'a moyen de... Oh putain, y'a pas de putain, ça bordel, on dit pas putain. Oh là là. Y'a moyen de gratter un petit truc, c'est parce que... Bah tu peux gratter le dos de bœuf si tu veux, là, parce que ça chatouille non, son cul. Oui. Non, parce que hier, avant-hier, donc le 8, oui. C'était le 8. Bon, on va droit au but, là, comme Marseille, droit au but, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'était l'anniversaire d'Amandine. Non, tu nous ressors Amandine. Mais Amandine, tu la détestais. La meuf avec qui tu voulais faire un plan 3 il y a 9 la mois, là. La meuf avec qui je voulais faire un plan 3, oui, je suis actuellement à son domicile. Non, mais pas ça, nous. Si. Mais évidemment, mais qu'elle prenne le combiné, qu'on lui parle. Non, si, on l'a plus quand on avait l'appel là avec Ah putain, faudrait qu'on retrouve quand on a eu Virginie et... Parce que c'était une histoire, hein, c'était au mois de août, je crois, un truc comme ça, là, c'était une violence. Stop. Et quoi, Amandine, bon, t'es avec Amandine et après quoi, c'était son anniversaire? Je te stoppe là tout de suite, Nico. Qu'est-ce qu'il y a? Non, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais sérieusement. Amandine a sa vie, maintenant faut la laisser tranquille. Va te faire enculer, gros bâtard. Mais on t'a rien demandé, c'est toi qui nous parles d'elle. C'est toi qui nous parles d'elle, après tu le dis, faut la laisser tranquille. C'était pour lui gratter quelque chose pour ton anniversaire. Ah bah attends, je vais lui mettre la musique. Elle peut en gratter les couilles. Regarde, Tov va chanter, attention, vous êtes prêts? 3, 4. C'est comme elle met la radio à fond de balle, on l'a en double. Hein. Mais on veut pas lui offrir un passage du désir. Oh là là, Venelle ce soir. Merde, on a coupé le micro, c'est dommage. Bon, ben voilà, et tu sais quoi, on va lui filer un sextoy. Un bon gros god. Un bon gros god offert par passagedudésir.fr. Voilà, on va lui envoyer ça, y'a pas de problème. Bon, allez, à demain Virginie, hein. À tantôt, à demain, ouais. Oui, à tantôt. Allez, salut Virginie. Et Virginie, ce qui est bien, c'est qu'elle ne retourne pas sa veste. Non. C'est-à-dire qu'on l'a eu en juillet avec Amandine, sa meilleure amie. Elle voulait faire un plan 3 avec un mec. On avait appelé le mec. Il s'était engueulé 2 jours après. Tout le monde nous a insulté, tout le monde. Et puis, c'était la guerre avec... 4 mois après, ouais, c'est ça. Ouais, quelques mois après, c'était la guerre avec Amandine. On n'arrivait plus. En attendant, Virginie était devenue nonne quasiment, puisqu'elle parlait... oui, bonjour, oui. Avec l'accent toujours, hein, mais je veux dire, il n'y a plus d'insultes. Et aujourd'hui, on la récupère, elle va avoir un truc entre les jambes et tout. Enfin bon, bref, tout part en couille. Ouais. Tout part en couille, c'est un truc de dingue. Bon, il y a Valou qui dit, Mickaël, quand vous appelez quelqu'un, la première sonnerie, tu dis très souvent, allez, mais sinon, tu es trop parfait. Enfin, je te remercie, Valou. Oui, c'est vrai, parfois, quand on appelle les gens, je fais, allez, c'est parti. Il y a Ligue 1000 Bruxelles qui dit, prévenez tous vos amis, car oui, il y a enfin quelque chose à écouter le soir, avec le hashtag Mickaël sur Fun. Merci, Ligue 1000 Bruxelles, et la friterie Alba qui voulait savoir si je reçois bien ses tweets. Eh ben écoute, ma foi, oui, ça a l'air de bien se passer. Il semblerait. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Voilà, et Alexandra, génial ton émission, mort de rire, bisous, je vous adore. Bisous à tous, salut Alexandra et gros bisous à toi aussi. Et alors un petit message de Nicolas qui dit bonjour Mickaël. J'ai entendu à la radio que le 22 juin vous seriez tous à Marseille dans les studios de Fun pour faire l'émission. J'aimerais bien venir avec ma copine car on vous écoute tous les soirs. Comment on fait pour venir? Eh ben tu viens, voilà. Voilà. Y a pas d'invitation, venez, voilà, y a pas de problème. Vous êtes sur Marseille ou dans les alentours, vous venez, vous êtes bien. Tu prends le tram et tu viens. Eh ben voilà, c'est ça. Tu descends la Canebière, tu prends à gauche, t'arrives, tu passes le quick là et puis c'est parti, hein. Hop là, t'es arrivé. Mais on est sûr que c'est là. Ah oui, bah oui. Ah oui. On va dans les studios de fans. Non, non, d'accord, mais on est sûr que c'est du côté quick. C'est après le côté quick, ouais. D'accord. Oui, bien sûr. Donc voilà, les studios de fans. De toute façon, il y a une enseigne avec marqué Fun Radio, Marseille, tout ça. Donc vous êtes les bienvenus, vous savez pas. Vous pouvez pas rater. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Les appels malveillants arrivent dans quelques minutes sur Fun Radio. On va récupérer Marion, comme promis, avec Julien. Désolé pour l'attente, Marion et Julien. Vous êtes encore là? Oui. Donc, je vous prends juste après Daft Punk, d'accord? Ça bon, bougez pas. Et promis, après je mettrai aussi David Guetta avec Blast Off. Et là bah c'est Guillaume qui l'avait demandé sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL sur Fun. Continuez d'ailleurs à balancer vos messages. On fera un point top tweetos juste après. Bonne nuit tout le monde. One more time. Voilà, on l'avait demandé tout à l'heure, c'est Guillaume qui l'avait demandé sur le Twitter, il avait demandé à l'antenne aussi, tiens, le son des Daft Punk à l'instant, c'était One More Time sur Fun. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, il y a un message de Céline là, qui vient d'arriver, qui demandait un petit point sur le top tweetos. Bon, on va le faire tout de suite avant de faire les appels malveillants et avant de récupérer aussi Marion et Julien et de donner la réponse à la colle. Ce sera avec Franck. Bon, alors je rappelle, ce soir, c'est avec le hashtag MIKL sur Fun que vous pouvez gagner votre soit votre sextoy offert par passagedudésir.fr, soit pour les mineurs, évidemment, un autre cadeau, bien entendu. Pour ce faire, c'est très simple, il faut poster un maximum de messages avec le hashtag MIKL sur Fun sur Twitter. Et actuellement, quel est le numéro 5? Guillaume. Numéro, celui qui a demandé ta oui, Punk. Le numéro même. 4. Cédric. Numéro 3. Corentin. Numéro 2. Virginie 66. Et numéro 1. Et Ophélie. Très bien Ophélie. Bah voilà, pour l'instant t'es la numéro 1. Mais attention, on termine à 2h, donc reste encore 1h30 pour voir comment ça se passe. Et j'ai vu qu'il y avait Nadia Le Prince qui venait de débarquer, donc attention à votre cul. Hein, ça va remonter. Parce qu'elle elle se place souvent dans le top tweetos, donc méfiez-vous quand même, méfiez-vous. Bon, on fait ça tout à l'heure à 2h. En attendant, continuez avec le hashtag MIKL sur Fun. Il y a Bastien qui dit sur le Twitter: aujourd'hui à Montpellier il a fait 30 degrés, abusez la chaleur. Ah oui, il a fait bien chaud un peu partout. Corentin aussi, j'adore le morceau. Nessie également, One More Time, super bon son. Nadia aussi qui disait que le petit Daft Punk passait crème. Naomi qui dit: pourquoi vous ne mettez pas le message de bienvenue? Qu'est-ce que tu racontes, Naomi? Tu veux un message de bienvenue? C'est ça, il suffit de demander après. Hein. Nous, tu demandes, on t'en met un, il n'y a pas de problème. Alors attends, je vais t'en mettre un là, tout de suite. Attends, bouge pas de là. Alors, petit message de bienvenue. Va te faire foutre, connard. Voilà, toujours avec grand plaisir, évidemment. Avant de faire les appels malveillants, promis, Marion est de retour de Strasbourg. Salut Marion de Strasbourg. Comment tu nous écoutes à Strasbourg? On peut pas avoir d'émetteurs là-bas. Ah, bah, on est interdit d'émettre. De quoi? Avec l'appli? Oui, c'est ça. Ah cool. Voilà, donc comme ça, même quand on ne peut pas émettre, on est quand même là. Quand on nous fait pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Mais oui, c'est ça, le principe. Mais évidemment, c'est d'ailleurs dommage hein, si il y a des auditeurs qui nous écoutent par internet et qui en ont marre et qui veulent nous écouter par la radio normale, n'hésitez pas à faire un petit courrier au CSA pour leur demander qu'on puisse avoir un émetteur dans la ville où vous êtes, notamment Strasbourg. Une des grosses villes de France où nous ne sommes pas. Et c'est une honte. Non mais c'est vrai, quand même, merde. Ils ont tourné des radios en bois et puis nous on peut pas y être. C'est scandaleux. Moi je comprends. C'est scandaleux, pas. Faisons des pétitions. Révoltons-nous une révolution. C'est-à-dire que les mecs de Strasbourg peuvent pas écouter de la dance. Voilà, ils peuvent pas. Non. C'est interdit, la dance est interdite à Strasbourg apparemment. Heureusement qu'Internet existe. Ah bah, je confirme, ouais. Mais heureusement ils peuvent écouter des chants traditionnels. Oui. Exactement. De Bavière, et ça c'est cool. Et ça c'est important, effectivement. Bon, alors, vas-y, Marion, sois la bienvenue. 21 ans, toi tu voulais parler des tics de langage. On en parlait en début d'émission, tiens, justement, vas-y, vas-y. Ouais, bah moi j'ai un prof, je suis en école d'archi, et j'ai un de mes profs qui est tout le temps en école de quoi? D'architecture. Ah, d'archi, d'accord, ok. Et j'ai un prof qui... Non, d'archi, mais je sais pas ce que ça voulait dire. D'archi. Très bien, vas-y, vas-y donc. Mais j'ai un prof qui dit tout le temps, moi personnellement, je me dis monsieur, et il dit son nom de famille à la suite. C'est très drôle quand même, ça peut arriver genre 40 fois dans un cours. C'est, oh là là là là, c'est surtout que dire moi je dis personnellement, bah oui, si tu le dis, c'est que c'est personnel. Oui, forcément. Et moi je et oui. Il y en a un peu beaucoup quand même. Et moi c'est ton prof là à l'université? À l'école, oui, c'est enfin, ça. À l'école, ouais. C'est un architecte, donc bon, je pense que... Oh, c'est un archi. Si c'est un archi, alors... Hey, oui. Dis-moi, t'es architecte, tu peux pas nous fabriquer une tombe en béton pour mettre teuf dedans? Ah ouais, ça peut être bien, ça. On a besoin de mesures. Ouais. Là, tout de suite, je suis un peu charrette, mais plus tard, pourquoi pas? Ou éventuellement, pendant les grandes vacances, est-ce que tu pourrais pas nous refaire la gueule de teuf? En béton armé, hein. Ouais. Nous, on veut un vrai plan d'architecte et tout, hein. On a un marteau piqueur, on a tout, hein. Exactement, tout est possible. Ah, le pauvre. Bah, attends, mais le pauvre, attends, mais c'est normal, on a tout, hein. Le marteau Regarde. Piqué là. On a le chef de chantier, tout est là. Le sous-chef. Voilà, moi mon casque jaune. Ouais. Tout est prêt, mon casque de chantier, tout est là. Son petit gilet orange. Mon gilet orange. On peut tout transformer. Donc tu nous donnes. Les chaussures de sécurité, c'est bon. Ah bah, tout est là. Tu nous donnes tes plans et puis nous on gère. Oui. En parlant de plan d'ailleurs, Marion, attention, c'est un travail d'une vie, hein, de refaire la gueule de ta femme. Ah, mais il y a de la merde. Hein. Ah, bah je confirme, voilà. Il va falloir tout évacuer, tous les déchets, tous les gravats. Faut tout virer, hein. On dirait il y a même de l'amiante là sur sa tête parce qu'il a des petits problèmes de peau. Ouais, il faut le désamianter d'abord avant de le détruire, hein. Ah, mais c'est important. Après, sinon, ça ressemble à rien et tout. Enfin, bon, bref. Une histoire. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Tof? Non, bah rien, je voulais savoir combien elle mesure. Oh, mais on s'en fout, elle va pas bah, conserver. Non, c'est important. Oh. Alors, Marion, combien mesures-tu? 1,63. Combien pèses-tu? 50. C'est bon, ça, faut un peu manger maintenant. Hein. Ah, si, un petit peu. Alors, quel est ton poids de poitrine? 90 C. Et c'est le dernier pantalon que tu as acheté? 34. Eh ben, on va aller à Strasbourg, on a pas des bêtons, on s'en fout. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Et en plus, une petite c'est bien architecte. Parce que cette chanson, chaque fois que je l'entends, après je l'ai en tête pendant une ou deux heures. C'est génial, vraiment. Et là, du coup, tu dois la chanter à haute voix le lendemain en cours. Non, je vais éviter. Elle se la ramène un peu, elle, quand même. Hein, Bah, je suis archi, hein. Bah oui. Et en plus, c'est bien, tu sais, d'aller avec tous ces plans là sur le dos, les espèces de tubes là. Tu vas avec ça ou pas? Là non, parce que le Bristol ça se plie quand on le met dans le tube, donc j'évite quand même. Le Bristol? Le papier. C'est du papier épais. C'est ça les archis, tu vois, ils peuvent pas dire papier. Ouais. Faut qu'ils se la ramènent. Faut qu'ils se la ramènent en disant Bristol. Bah, c'est du papier lisse qui fait 180 grammes, ça s'appelle du Bristol. Ouais, tu vois, qui fait 180 grammes par centimètre carré. N'est-il, hein, pas, n'est-il pas très cher? Sur, hein, lequel, sur lequel elle dessine avec, non pas un stylo, mais un... Un crayon, mais ça c'est normal. Ah, ça des rotring? Non, je fais pas au rotring, je fais au crayon. Ah ben voilà, c'est très bien. Mais c'est quand même un critérium de 12 que tu prends, non? Non, c'est des 4H HB, voilà. Ah, ça c'est le gras celui-là, non? Non, c'est le 6B, le gras. Ah ouais, je vous interromps parce qu'on se fait un peu chier là pour le coup. Hein. Je oui, préfère mettre les choses au clair. C'est une conversation d'archi un peu. Ouais, complètement. Genre Polo est architecte maintenant. Architecte. Autre chose. Quoique, c'est vrai qu'il nous a construit pour les Jeux Olympiques d'hiver là des espèces de trucs un peu particuliers dans le couloir. Je fais plein de dessins d'architecture. C'est vrai. D'ailleurs, je lui ai installé un programme sur son ordinateur tiens, pour qu'il puisse faire directement des plans d'architecte sur l'ordinateur. Bah, avec plaisir. Ah bah voilà, il va pouvoir faire plein de plans, tout ça va être génial. Bon, attends deux secondes, Marion. Julien qui est avec nous de Montpellier. Salut Julien. Salut. Ça va? Ça va et vous? Tranquille. Bon alors Julien, c'est quoi ton tic de langage qui t'énerve? Bah en fait, c'est pas que ça m'énerve, en fait, dans ma phrase, enfin, chaque fois que je parle, je suis obligé de dire un mot arabe en fait. Bon, pourquoi faire? Bah je ça sais ponctue. Pas. Comment? Non, je dis ça ponctue. Mais qu'est-ce que tu dis comme mot arabe? Bah voilà, Starflat, des trucs comme ça. Ah ouais, mais pourquoi t'es pas arabe? Par contre, t'as pas l'accent, hein, ma gueule, hein. Bah non, je parle avec ça, mais j'aime bien en fait. Moi c'est ce qui m'énerve, enfin c'est... après si t'aimes bien et que t'as envie d'apprendre la langue et tout, bah pourquoi pas. C'est mais cool. C'est quand je vois, j'en entends encore entendu, c'était au supermarché ce week-end, et il y a un groupe, t'avais effectivement ces trois rebeux et un mec mais bien blanc, tu vois, limite roux. Et tu sais, ils étaient ensemble, et puis t'avais le mec qui dit, tu sais, qui commence à parler, mais avec en terminant par des mots en arabe, et je me suis dit putain, c'est pathétique quoi. Le mec n'est pas arabe, parle pas arabe. Enfin tu vois ce que je veux dire. Sauf si vraiment tu kiffes, mais je trouve ça. Tu sais, c'est les mecs qui font des... je connais quelqu'un, par exemple, il se prend pour un Sicilien. Mais il n'est pas Sicilien du tout. Il a même aucun rapport, pas de rapport du tout. Des années, il n'est pas Sicilien. Mais le mec se prend pour un Sicilien. Bah, Tof se prend pour George Clooney. Ouais, exactement, ouais. Ou alors, c'est des mecs qui se prennent pour des Marseillais et qui ne sont pas Marseillais. Ah, ça, je déteste ça. Voilà. Et alors, bon, j'en connais un. Bah voilà, un peu aminable, mais après voilà, on lui pardonne sa médiocrité. Et qui, mais bon. Du coup se la ramène. Mais enfin, c'est valable pour tout le monde. Hein. Donc j'ai du mal. Il y a beaucoup de mecs et beaucoup de meufs, souvent qui viennent du Portugal, qui se prennent pour des Brésiliens. Ah, pourtant, je déteste les Brésiliens. Non, mais pas enfin, toi. Je déteste pas les Brésiliens, mais j'aime pas la manière alors, de l'accent. Ils parlent portugais et tu leur dis, mais tu viens d'où et tout. Ah, je suis brésilienne et tout. Mais en fait, ce sont pas brésiliens, ce sont des portugais. Ah ouais. Parce que c'est bizarre. pourtant le Portugal c'est quand même vachement mieux que le Brésil. Enfin, on va pas rentrer dans ce détail, on va pas rentrer dans ce débat plutôt. Ouais. Bon, ouais. Et ben Julien, ben merci d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux hein. Ouais, Michael. Oui. Aussi moi aussi j'aime bien parler comme enfin j'ai aussi le langage de Eddie en fait. De qui? De Eddie. C'est l'espèce de enfin, c'est un, le mec de la de j'allais dire une connerie de Secret Story, c'est ça? Ouais, et que, comment il parle lui, excuse-moi pour ma culture qui a des failles apparemment. Bah il dit toujours c'est dard. Ah ah putain, ouais mais ça c'est naze hein, il faut faire quelque chose là, dis donc Julien. Bah non, et on va bien. L'exorciser. Est-ce qu'on, mais peut non, mais... est-ce qu'on peut avoir tout le matériel pour l'exorciser ou pas? Attends, ouais mais juste Marion. Oui. Eh, un mec qui arrive comme ça, qui commence à te parler comme Julien, là, tu fais quoi là? Je cours. Voilà. J'ignore. Mais oui, mais bien sûr. Attends, c'est quand même dur. Ouais, parce qu'en plus, comme t'as même pas les tubes, tu peux pas te taper avec tes tubes, quoi. Bah voilà. J'ai un cutter, c'est mieux en général. Ça ah oui. Ah oui, alors là, ça fonctionne très très bien. Ouais. Bon, Julien, tu vas continuer à parler comme ça ou t'as compris que avec les filles, c'était moyen quand même? Bah, c'est quand même dark, j'aime bien. Oh, c'est nul. C'est ridicule. Oh, c'est naze. Oh, parce qu'il y a que Maya l'abeille qui peut parler de dark. Ouais, on te dit ça, nous, c'est pour t'aider, hein. Bah, je sais, mais j'aime bien. Bon, arrête ça tout de suite. Arrête, c'est mieux. La gueule. C'est mieux pour eux, sinon je t'envoie Tof. Bah, si tu veux. Oh, c'est dard. Je vais lui apprendre le langage d'Edith, tiens. Oh putain, génial. Bah écoute, c'est avec plaisir. Ah bah il va être content. Je me sentirai mieux après. Et bah il va être content. Bon, écoute, on va te souhaiter une bonne soirée quand même, Julien. Ok, bah vous aussi. Tu reviens quand tu veux, à bientôt. Et à bientôt. Ciao à toi, bye. Bon bah Marion, je te fais des gros bisous également. Oui, bah merci beaucoup, bonne et soirée. Puis, du et coup. À quand tu veux, bientôt, à bientôt. Ça marche, salut. Salut, ciao à toi. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu, du coup, la version, celle qu'on avait faite, c'était au mois de juillet, août, je crois, un truc août, comme ça. Ouais, c'était août. Et il était d'une violence, puisque tout à l'heure, on l'a foiré, on s'est bien marré, mais plus nous avons vécu une expérience surnaturelle. Voilà, puisque pour ceux qui étaient pas là, on était avec Nathalie, je crois. Ouais, Nathalie. On avait appelé son mec et son mec dit, donc elle dit, je peux te faire cocu direct, hein. Franco de port, elle prend pas, il va pas par quatre chemins. Et le mec dit, oui, mais enfin, je le vis pas très bien. Non, il a dit ça, je le vis pas très non, bien. Non, je suis pas très d'accord. Ouais. Non, je suis. Ça me dérange. Non. Je suis. Ah oh, merde, putain, je pourrais le dire mille fois. Je suis pas trop d'accord. Dites-nous avec le hashtag et Mickaël sur Fun. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure encore, ah, le merde. Mec là. Je suis pas. Putain, merde. Oh là là, le trou de mémoire. Je suis pas. Oui, mais je le vis pas très bien. Je le vis pas très bien, non? Non. Ah oui, je le prends pas très bien. Je le prends pas très bien. Ouais, je le prends pas très bien. Tof s'est fait aider. Hein. Croyez pas qu'il a eu. J'ai eu une lumière comme ça qui est venue me flasher. Hein, pas du tout. Non, en fait, bon. Dieu m'a parlé. Voilà, c'est ça. Bon, en parlant de lumière, on va se faire les appels malveillants. Allons-y. Et puisqu'on s'est rendu compte qu'une meuf vétérinaire avait baisé un dauphin. Oui. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Après, voilà. On va vérifier. Évidemment. Donc, du coup, on l'appelle maintenant pour voir si, si les gens ont déjà pratiqué avec des animaux. Voilà. Évidemment. Voir comme d'habitude. Ils ont déjà fait avec leur chat, le poisson rouge aussi. Vous pouvez nous envoyer tous les numéros de téléphone qu'on peut appeler sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On y va? Allons-y. Allez, c'est parti. Hein, voilà, pour l'éthique de langage. Il est minuit 41. J'espère qu'on ne dérangera pas, évidemment, à ce temps-là. Bah non. On dérangera. Je sais pas. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Qu'est-ce qui arrive à lui hein. Oh bah dis donc, bonnec, bonjour. Bon, on va rappeler. Allez. Tic de langage. C'est bien de s'en rendre compte. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Oui. Oui, en fait voilà, je voulais savoir si vous aviez déjà eu envie de faire l'amour avec des animaux. Et ta soeur, que tu te casses les couilles, hein, puis t'es pas gros con. Hein. Pourquoi vous dites ça monsieur? Elle va te faire un pas de cuir. Hein. Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Je comprends pas. Oh, va te faire un culé. On rappelle. Allez. Tic de langage. Allô? Va te faire un culé, espèce de bâtard. Je sais pas qui tu es, mais dégage, quoi. Mais pourquoi vous me dites ça, madame? Ah bah voilà, bah moi ça mérite d'être clair. Hop là, ça te fait vite vu et c'est plié. Bon, dans un instant on aura Mehdi, on en fera d'autres hein, tout à l'heure dans moins d'une heure, trois quarts d'heure pour être précis. Des appels malveillants, Mehdi qui sera avec nous de Marseille. Salut Mehdi. Salut la team, salut. Comment va Mehdi? Bah il est où l'accent? Bah, Mehdi, là, il est où l'accent là? Ah, ah. Eh, Mehdi, on sera à Marseille le 22 juin, tu passes nous voir, j'espère. Ah, j'aimerais trop venir, mais le 22 juin, ça tombe un dimanche. Et alors, bah oui, justement, dimanche soir. Ouais, je crois. En plus, tu as bien raison, c'est ça, Mickaël, tu as bien raison. C'est un tournoi au Quick. Exactement, ouais. Ouais. Les yeux de fun. Et quoi, tu n'étais pas dispo le dimanche soir? Si, je pourrais venir. Bon, bah, c'est parfait. Bon, ben, Mehdi, reste avec nous. Oui. On va parler avec toi dans quelques minutes. On aura Loïc également. On aura, on va donner la réponse aussi à l'école de Franck. Là, t'es là, Franck? Ouais. Bah, juste avant d'écouter David Guetta, le nouveau qu'on vous a bastonné toute la journée sur Fun avec Blast Off, eh ben, on va se faire la réponse à la colle. C'est parti. Tu avais posé une colle tout à l'heure, Franck, hein, qui était j'ai cyclé sans serrure, si tu me grattes, je murmure. Vous avez répondu, évidemment, sur SMS ou sur le Facebook. On appelle quelqu'un. Si il ou elle a la bonne réponse, il gagne, tu perds. Et dans tous les autres cas, c'est toi qui gagne, Franck. Le haut-parleur Bluetooth, bien entendu, qu'on offre toute la semaine avec la maison du GSM. Allez. Et on cherchera un doux également qui veut faire un cadeau pour la fête des pères. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? C'est Kevin. Salut Kevin, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et il y a Franck qui a une question pour toi, là, une colle, Kevin. Oh, vas-y, vas-y Franck. J'ai cyclé sans serrure, si tu me grattes, je murmure. Qui suis-je? Alors, moi je dirais une guitare. Ouais. Et ben voilà. Et ben voilà une petite guitare, effectivement, c'est la bonne réponse. Et ben bravo Kevin, le haut-parleur Bluetooth est pour toi. Et puis tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées. Malheureusement Franck s'est perdu. Oh. Ah oui. Bon bah écoute, ça arrive hein. T'as vu cet enfoiré de Kevin, il arrive là alors que le pauvre doux il est là depuis 23h. Pauvre doux. Il est là, il a mis des cure-dents dans ses yeux là pour essayer de garder ses paupières ouvertes. Et ben voilà, il se fait dégager. Oh là là. Bah oui, c'est la règle, hein, c'est comme ça. Salut Franck. Ouais. Allez, salut. À bientôt. Et tu restes là, on va quand même te filer un pack fun, hein, d'accord? Ouais. Salut Franck, ciao à toi. Salut Kevin. Merci, ciao. Allez, reste avec nous également, Kevin, là, bouge pas de là. Qu'est-ce que je disais? Oui, on cherche des doux. On va. Alors, ce week-end, c'est la fête des pères en Belgique. Le week-end prochain, c'est en France. Et donc, du coup, on a des packs Wonderbox I Love Papa qu'on va vous offrir avec la possibilité d'offrir à votre père la possibilité de faire une course en Lamborghini, truc en avion, hélicoptère, bref, plein de trucs qui déchirent. Et même de l'œnologie. Cours de l'œnologie. De l'œnologie. S'il aime bien le vin, là, il va pouvoir se faire plaisir. Donc, si vous voulez y aller, les doux, on ne prend que ceux qui n'ont pas encore mué ou les moins de 15 ans qui n'ont peut-être pas forcément assez d'argent pour offrir un cadeau à papa. Donc vous, on a besoin d'avoir papa au téléphone. Alors attention, c'est important, même s'il est tard. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On est au cœur de 2h sans pub sur Fun Radio et je l'ai déjà mis tout à l'heure, c'est vrai, mais on s'en fout. Il est bon et on s'en le remet maintenant. Le nouveau David Guetta que vous avez découvert aujourd'hui toute la journée sur Fun Radio. David Guetta avec le riff de Apollo 440, c'est un riff de guitare, c'est Blast Off maintenant. This is the Blast Off. Le nouveau son de David Guetta à l'instant, c'était Blast Off sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est évidemment toujours en direct sur Fun Radio. Vous balancez encore vos messages. Ça se passe avec le hashtag MIKL. Et puis vous mettez sur Fun en un mot. Alors pour ceux qui ont peut-être reconnu cette chanson-là. Là. Alors avant, il y avait une chanson, c'était celle-là. Écoutez. C'était Apollo 440, écoutez. Elle est un peu plus rapide, évidemment. Voilà, c'était End Talking Bot Dub. C'est sorti dans... il y a longtemps. Ah ouais. 2000, je crois, un truc comme ça, non? Et c'est pas déjà un riff de Van Halen, ça? Mais si, c'est encore un riff de Van Halen. Quand j'avais dit tout à l'heure la version jeune, en fait, j'ai dit de la merde. Voilà, hop là, pour ceux qui n'ont pas reconnu, hein, bah comme ça au moins vous le savez, Apollo 440, ça c'était avant, et aujourd'hui, eh ben, c'est David Guetta. Un peu plus lent à certains moments, plus rapide à d'autres. Voilà, comme ça vous voyez d'où ça vient. Minuit 49 sur Fun Radio, on est toujours en direct sur Fun évidemment jusqu'à 2h du mat avec le chéri Je peux te faire cocu qui arrive. Il y a Elodie qui dit merci de répondre quand même Mickaël. Je veux mon bonjour pour les Morlésiens et Team BS 1-2-3 s'il te plaît, merci. Et moi chez moi je dors la fenêtre ouverte tellement il fait chaud. Eh ben écoute Elodie, alors déjà message de bienvenue. Va te faire enculer. Voilà. Il y a Mathéo qui dit l'éthique des gens, appel de Toff, c'est va te faire enculer. Oui ils ont tendance, c'est pas la preuve hein. Va te faire enculer. Eh oui, je suis Moulet qui dit le mec disait j'apprécie pas trop. Voilà, exactement, Tuff avait raison. Damien qui avait confirmé également, Guillaume également, Benjamin qui dit je me tape des barres tout seul dans ma chambre. Et ben tant mieux, une petite barre aussi, tiens. Voilà, et Sébastien, je pourrais avoir un message de bienvenue également. Bien sûr Sébastien, je t'en mets un de message de bienvenue. Alors, qu'est-ce que je peux te mettre ? Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Voilà, c'est ça. Et puis on a reçu un message qui disait qu'apparemment c'était il y avait une tempête autour de Paris. Polo, peut-être suivre pour aller faire une petite photo également de la gueule de Toff quand il va ressortir. À mon avis, ça va être quelque chose d'énorme. Toff en direct donc, puisque on est dans un studio, nous, on est dans un studio où comment dire, où il y a pas de fenêtre, donc on voit pas très bien ce qui se passe dehors. Et on a Toff en direct de dehors, dehors de la radio à Paris, donc. Oui, nickel. Alors je ne t'entends pas très bien. Oui, tout à fait, Toff. Oui, je suis au milieu du déluge, comme tu peux l'entendre. Eh oui, complètement. Ah, attends. C'est un peu violent. Ben reviens là où t'étais deux secondes, on entend mal le déluge là. Tu t'es protégé ou... Non, quoi, t'entends pas là? Non, mais on entendait mieux il y a deux minutes là, enfin il y a deux secondes. Attends, mais si je me mets là? Attends, reviens encore un peu là. Là. Encore. Là. Encore, mais là où il y a l'espèce de petit toit là. Eh ben, c'est là que je suis, hein. Ah bon, bah alors on l'entendait plus ça tout de suite, bon c'est pas grave. Ah, et là, t'entends mieux? Non, là on entend au loin là, c'est ça le problème avec les iPhones, c'est que ça prend vraiment ce qui est autour de ta bouche, après c'est la merde. Ah oui, attends, je vais... Attends. Tu l'as là? Bah là, c'est mieux? Ouais, on entend un peu mieux, mais j'ai l'impression que c'était plus fort à l'heure, bon c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, alors comment ça se passe dehors là? Parce eh que... ben écoute, ça se passe très bien, parce qu'il n'y a plus rien sur la terrasse. Comment ça, il n'y a plus rien? Bah en fait les fauteuils se sont envolés, oh, putain la violence de l'eau. C'est bien violent quoi. À ce point là? Ah ouais non, à ce point là, ouais. Non mais t'es sérieux là? Non mais t'es chaud là, ils ont rentré la table de ping-pong et tout. Ah oui, parce qu'on a une table de ping-pong, il faut le savoir aussi. C'est archi violent. Est-ce qu'il y a de l'orage ou pas? Ouais, il y a de l'orage, ouais. D'accord, ok. Alors attends, il y a pas le tonnerre, mais il y a les éclairs. D'accord. Alors putain, attends, celui-là est d'une violence. Je viens voir par moi-même, là, bouge pas. Bah viens voir. Attends. Alors attends, Loïc, t'es là aussi ou pas toi? Ouais, je suis là. Loïc, t'as peur des éclairs? Non. Bon, d'accord, ok. Et Christine? Oh putain, Christine, elle est boite. Christine, c'est quoi ce chat là? Christine? Bon, c'est pas grave, on va garder Christine derrière là. Ah, elle est là, ça y est, très bien. Bon, je vais quand même vérifier, je vais essayer de rejoindre Toff. T'es toujours là, Toff? Ouais, je suis toujours là, on est sous la pluie avec Polo là, en train de mourir. Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être pas mal là. Hop là, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive là? Ah bah rien, j'ai traversé la pluie là, je suis dehors. Ah ouais, non, mais c'est violent là aussi. Non, c'est violent, tu vois les chaises, elles ont bougé et tout. C'est, Oh là, putain, ça t'a... Allez, viens rejoindre le milieu de la terrasse. Non mais Toff, mais prends un bâton là, on a pas un bâton en acier? Bah attends, si, là, on a la... on a le truc là, de la copine avec les... Attends, mais vas-y, prends le truc, Toff. Bah oui, bien sûr, déjà, je suis sous le parasol, c'est déjà pas mal. Putain, merde, il y avait des frites à bouffer, je suis pas venu à la cantine, merde. Ah bah oui, ça c'est... Tiens, je te lance une fourchette. Non, ça va, allez, merci. Si, tiens, attends. Non, c'est bon. Allez. Non, c'est bon. Tiens, rattrape-le. Non, mais il est con, lui, on va se prendre un éclair en pleine gueule. Tiens, moi je peux, mais toi non. Oh putain. Non mais c'est violent là, les éclairs, hein, quand même. Alors, je sais pas si c'est pareil chez vous, dites-le avec le hashtag Mickaël sur Fun. Et... Oh putain, oh là là là là là là. Ah non, c'est plus violent. Non mais attends, mais on a l'impression d'être au 30 décembre là. C'est-à-dire que feu d'artifice. Oh là là, putain. Non mais c'est scandaleux, hein. C'est un truc de ouf. Alors je sais pas si vous êtes dehors là. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais en tout cas là à Paris, au-dessus de la radio. Ah d'un côté, je sais pas si vous allez entendre le son, je vais me prendre. Non, on entend ou pas? Attendez. Attends, on essaye de prendre le son de l'orage là. En même temps, il y a tellement de pluie que. Attendez. Elle est là, Christine? Ah non, les coffres sont partis. Christine. Elle a raccroché, je la rappelle. Elle a raccroché. Ah bah très bien, merci Sandro. Et Loïc, il est là, le doux là? Il est là. Ouais, je suis là. Loïc, t'es dans quelle ville toi? Moi, Rouchon. Il y a pas d'orage là actuellement? Non. Ah putain, mais c'est un truc de ouf. Mais non, mais franchement, quand j'ai dit tout à l'heure, j'étais à Bruxelles tout à l'heure, j'ai eu un éclair avec un orage super violent qui nous est tombé dessus directement, mais il y a eu genre attends, l'éclair. Ferme la radio là parce que je comprends plus rien. Ouais bah fais ça plutôt Christelle. Donc elle a il y a eu l'éclair et le bruit du tonnerre directement, donc ça veut dire que c'était au-dessus. Mais là c'est au-dessus bon. De Paris, attends, Christelle, attends. Je suis en train de parler. Tu m'entends là, là tu ouais, m'entends mais pas. Très bien, mais trop fort, Christelle. Et donc du coup là maintenant au-dessus de Paris, je vous explique, le ciel est allumé quasiment en permanence, quoi. C'est-à-dire que c'est une violence, mais c'est un truc de dingue. Et Toff qui est toujours là en train de tendre son téléphone vers le haut afin de peut-être prendre le prochain éclair. Voilà, j'essaie d'attraper le ton, mais c'est un peu compliqué. Bon alors attends, je vais essayer de te rejoindre quand même. Putain. Oh là là là là là, on est en dessous du parasol, enfin du parapluie maintenant, hein, parapluie géant. Et ce qui est bien, c'est qu'on a juste l'antenne de phone qui est à côté de nous là, donc C'est bien, au niveau de l'électricité, on est bien là. Ouais, là on est pas mal. Je pense que l'orage est loin là. Hein. Oui, heureusement pour nous. Voilà, on fait météo relogue. Oh là là. Mais oui, météo... Viens là, c'est là que les éclairs ils sont tous là, Polo. Viens, météo. Viens. Attends, ben on va faire des photos, nous. On va vous mettre ça sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Si du moins on arrive à revenir vivant, juste derrière la radio, hein, en l'occurrence. Enfin, derrière la radio. Derrière ça va, moi je me suis mis sur une chaise, comme ça, normalement. Ah ouais, pour les pieds mouillés, ouais. Voilà. Pour les pieds mouillés, c'est pas mal. Bon ben voilà, on vous a fait vivre ça en direct. Je vais quand même rentrer, moi, à un moment. Hein. Je pense que c'est mieux. Bah, Toff, tu peux rester avec le bâton, si tu veux. Ben, je reste avec le bâton, là, je reste voilà. Et faites pas ça chez vous, on est des professionnels. Bien sûr. Ne refaites pas ça chez vous, c'est hyper dangereux. Mais bon, Toff a les assurances. Hein. Bien sûr. Voilà, et si jamais... ah, putain. Voilà, et si jamais il lui arrive malheur, évidemment, on sera remboursé sans problème. Bon, bah écoute, on va rentrer. Hein. Bah, bonne soirée, Toff. Hein. Ben, je t'en prie. Hein. Voilà, très bien, voilà. Je vais quand même requitter là tout doucement le parasol. Voilà. Comme, je sais pas si vous entendez bien la pluie là. Attendez, je vous la remets là. Voyez un peu, je sais pas si vous avez bien entendu. Ah bah ça y est, il commence à pleuvoir sous le parasol. Ah, sous le parasol, putain, le parasol fuit. Ouais, ça y est. Oh, ça y est, putain, j'ai les pieds dans un état, je suis trempé. Oh là là, quelle violence. Bon, bah bougez pas de chez vous, hein, si vous n'êtes pas obligé de bouger là. Parce que attends, là, moi, je ne bouge plus. Hein, non, bah il vaut mieux. Hein. Voilà, donc je suis... J'ai les pieds trempés, c'est-à-dire que je sais pas si vous entendez la manière dont le bruit de mes pas là, mais c'est assez violent. Bon, attendez, je me reprends, je reviens en studio là. Voilà, là on est mieux. Là on est mieux et là on est parfait. Oh là là. Bon, Toff, tu peux revenir du coup, hein. Toff. D'accord, ben on arrive. Ah bon, d'accord, ok, très bien. On va vous mettre les photos, je sais pas si on a réussi à avoir quelques petites photos là, en direct de l'orage là. Quelle violence, un truc de dingue. Il y a un message qui est arrivé qui dit aussi, Bastien qui dit, Mickaël, ce sont des professionnels de la connerie. Non, Bastien, on est des professionnels aussi de la connerie, c'est vrai. Bonne soirée, Toff sous la pluie pour Benjamin. Il y a Corentin qui dit, vas-y Toff, là, tends le bâton. Maëva aussi, Mickaël rentre et laisse Toff et Polo crever dehors. Mais toi, on te veut en vie. C'est bon, t'inquiète pas, je suis un grand reporter, j'ai pu aller jusqu'au bout des choses, il y a aucun problème. Ça promet sur Paris là pour Virginie. Ah non mais franchement ouais, c'est violent quand même. Hein. Et alors message le parasol qui fuit pour Corentin. Non mais véridique hein, pour le coup là on a des parasols sur la terrasse de Fun et les parasols sont en train de céder avec trop de pluie en fait. Donc c'est en train de couler. Ça va être pratique, ça va être cool. Hein. Pour le retour ce soir, je pense qu'on va bien se marrer. On va plutôt bien se marrer ce soir pour le retour. En plus Polo qui rentre à pied, ça va être cool. Ah ouais, on va se marrer. Ouais. Ah, il va être bien là, hein. Il va être pas mal. Il y a Rome qui dit, j'ai vu la photo pour protéger la voiture, c'est trop marrant. Oui, eh ben, je crois que je vais aller faire pareil avec la mienne. Ouais, parce que, alors, ça m'apprendra, parce que par fainéantise, parce que j'ai une place de parking à la radio, mais il faut un peu marcher, etc. Donc du coup, ça, j'avais la flemme. Donc je l'ai garée devant la radio. Qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va être dans un état démonté. Et puis de toute façon, on va quand même être trempé, puisqu'il va falloir aller jusqu'à la voiture. Moralité, j'aurais mieux fait de rester dans le garage. Eh ouais. Ben oui. Bon, on va filer le cadeau aussi au Doux dans quelques minutes, là, le pack pour la fête des pères. Et puis Christine. C'est papa, oui. Christine, oui, bon, il y a des orages aussi à Arcachon ou pas? Oui, bien sûr, on est en zone orange. Attends, zone rouge, quoi, t'as tes règles? Orange. Ah, elles sont oranges. Bah, va voir un gynéco, hein, maman, parce que bon, c'est bizarre. C'est 62, hein. C'est 55 kilos, 95. Qu'est-ce que tu racontes? Mais on s'en fout, Christine. Pourquoi tu nous fais un chiffre et la lettre? T'en fais même pas là, bonne, il est dehors. T'as reçu un éclair sur la tête ou quoi? Non, je crois qu'elle a reçu un Beaujolais. Non, c'est un tsunami de rosé. Ah, t'as bu une bouteille de rosé, là? Non, pas du tout. Deux bouteilles de rosé? Trois bouteilles de rosé? Vas-y, se perdre. 4 bouteilles de rosé? 5? Oui. Donc disons que Christine, t'es complètement faite là. Hein? T'es complètement faite là, non? Non, pas du tout. Ah, je suis redémarrée. Moi, je me lève à 4h du matin. Ah bah, va dormir, Christine, c'est mieux pour tout le monde. Hein? Je dis va dormir et tue le chat derrière. Non, je plaisante, mais enfin, fais le taire. Mais oui, donne-lui à bouffer. Chat, il me fait chier, ça. Mais donne-lui mais à manger. Il a à bouffer. Il a eh ben, donne-lui, donne-lui de l'eau. C'est fou. Attends, c'est impossible. Attends, mais c'est pas possible d'avoir un chat qui miaule comme ça, là, derrière. Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de quoi? Il est jaloux. C'est impossible, le chat. Il s'en fout, le chat. Le chat, ce qu'il veut, c'est manger. Il est pas jaloux. Il s'en bat les couilles que tu te téléphones ou pas. Ou alors, il aimerait bien piquer un roupillon parce que tu l'empêches de dormir. Je pense qu'il a envie de dormir, à mon avis, le chat. Et comme t'arrêtes pas de hurler, je pense qu'il a un plein cul. Hein? Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, non. Bon, Christine. Oui, bon, allez, on va pas te déranger plus longtemps. On sait que t'as beaucoup de travail, hein. Ok. Salut, allez, Christine. Ça. Allez, ciao. Et l'orage, pas va faire l'orage. Oui, oui, pas tout à fait. Oui, Christine. Effectivement, tu as tout à fait raison. Bon, allez, dans un instant, Mehdi, comme promis, on aura Loïc Ledoux qui va revenir là dans quelques minutes. Ah. Et puis, vous, en direct, on a perdu Toff. Il est toujours avec son bâton dehors, ou c'est un rôti ou... Bah, il est peut-être mort depuis là. Ah, peut-être. Il était encore sous le truc. Je l'ai laissé, puis il est plus là. Eh ben, tu fais bien. Tiens, il y a. Bistrot qui dit pas de Calais, ça a pété, mais la pluie, mais la pluie rien, c'est 27 degrés. Roms qui dit j'ai raté Clara Morgan hier, du coup, un coup de pelle pour ça. Ah bah, je confirme, on aura les vidéos demain. Et Damien qui dit la meilleure radio au monde, dirigée par le meilleur, Mickaël sur Fun. Oh, je ne suis pas le patron, Damien, mais c'est gentil quand même. Et Angel qui dit mort de rire, j'en peux plus, vous me tuez. Non, moi sur Bordeaux, y'a rien, il fait chaud, je peux avoir un message de bienvenue. Bien sûr, Angel, un petit message de bienvenue. Bon, écoute-moi, petit merdeux, tu sais quoi, tu vas aller te faire enculer, ta mère, elle va se faire enculer, tu vas aller te faire enculer et tu nous casses pas les couilles, ok? Voilà, en toute simplicité, en toute amitié, voilà. En toute tranquillité. Très cher. Voilà, on est toujours au cœur de 2h sans pub sur Fun Radio. 1h02, bienvenue si vous venez de débarquer, tapez le hashtag et Mickaël sur Fun pour gagner le top plus tôt ce soir et pour balancer vos messages, on écoute Katy Perry. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je viens de mettre la photo là, je faisais deux trucs en même temps là, je viens de mettre la photo de Toff en direct de sous le parasol et vous voyez bien que le parasol est quand même il a du poids sur les épaules. Il est bien plié. Hein. Ah, il est bien plié d'ailleurs, la preuve hein, sur la fin Toff a pris l'eau un petit peu d'eau sur la gueule quand même. Un petit peu. Voilà. J'ai été humidifié. Rien de bien grave en l'occurrence. Je vous la mets également sur le Twitter dans quelques secondes. Alors attendez, je fais ça en direct live là et puis on hop là, attendez. Ah oui, parce que je fais tout en même temps hein. C'est un petit peu compliqué. Voilà, je vous la mets sur le Twitter, si vous voulez venir nous rejoindre, tapez le Mickaël officiel sur Twitter, vous me rejoignez avec grand plaisir. Voilà, comme ça vous avez tout ça sur Facebook, sur Twitter, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre et vous avez la photo de la terrasse de Fun en mode sous la pluie, prise il y a quelques secondes, avec on voit pas d'orage malheureusement, mais pourtant Dieu sait qu'il y en avait, mais c'est un peu compliqué de les prendre avec l'appareil photo là en speed. Donc vous pouvez les voir et dites-nous comment ça se passe chez vous. Il y a Alexis qui dit Mickaël, dans 10 minutes vous avez des grelons. L'Essonne est remplie de grelons. Oh là là. On va être bon là. Antoine qui dit les orages, c'est quoi nous en Guadeloupe, on connaît pas. Ah si, en Guadeloupe il y a des orages. Mais il y a pas de neige, pire il y a pas de grêle, il y a tout ce que tu veux. Mais il y a des orages, ils ont des tornades, des ouragans et tout. Flavien qui dit Mickaël, mon Dieu, pourquoi ne faut-il jamais rester sous un arbre? Bah parce que l'éclair aura tendance à descendre sur l'arbre et à te péter en pleine gueule, donc méfie-toi quand même. Et Maëva qui dit Polo, tu sais que t'es beau. Merci, non c'était une blague, pété de rire. Hier j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Et Francis aussi qui dit salut l'équipe, me voilà de retour. Je n'ai pas été présent depuis quelques temps car j'ai eu quelques soucis de santé. Vous m'avez énormément manqué, l'équipe, bise à tous, surtout à Sandro. Et bah Francis, j'espère que bah tu vas bien en l'occurrence. Et puis Baron aussi, Baron Love qui dit sinon Mickaël, tu es toujours. Et il y a X sur Twitter qui dit. Bah oui, mais là pour le coup, qu'est-ce que je dise? Je vais pas dire oui. Ah, il y a X sur Twitter qui dit pas. C'est bah non, ce serait bête pour le coup, non? Bon, on va prendre Mehdi qui est avec nous de Marseille. Mehdi. Bon, la cagole de Marseille. Eh oui. Bon, Mehdi. Oui. Bon, pas de catastrophe météorologique en vue chez toi là. Alors moi voilà, je vais vous dire. Non, je vais te poser une question d'abord, mais t'as fumé un truc Mehdi ou t'as bu un truc avant? Non, rien. Ah d'accord. Moi, c'est le soleil, c'est parfait. Ah oui, c'est un coup de soleil. Bon, je disais, pas de catastrophe météorologique actuellement chez toi, non? Non, il fait trop chaud justement pour un mois avant d'être invité. On est à 32,5. Ah oui, quand même. Non, note pour Marseille, c'est normal, là, au mois de juin, 30-35, là, non? Moi, je pense pas à ça, j'aurais aimé. Mais, 35. Ah, oui, mais par à Dunkerque, alors, hein? 35, c'est 30 degrés du pastis, plutôt. Ouais, moi, c'est peut-être ça. La vie parisienne. Ah oui, bah écoute, là tu seras au top, là. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que t'as une grande piscine. Toute la ville est une piscine, ouais. Donc c'est plutôt cool. Bon, alors, vas-y, qu'est-ce qui t'amène, Mehdi? En économie de l'eau pour la douche. Ouais, enfin bon, c'est-à-dire que si tu prends la douche dehors avec les éclairs en plus, je pense que t'es pas mal, là. Qu'est-ce qui t'amène, Mehdi? Oui, je vous dis. Alors, depuis la pub, j'étais mort de rire entre vous et Livron, Christine Livron. Ah non, mais Christine, il est complètement bourrasse, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Pourquoi je vous appelle? Elle est tombée dans le pastis quand elle était petite, elle. Bon. Ah, d'accord, elle était avec... c'est vraiment une ivrogne. Voilà. Alors, je vous explique. Mais toi, t'as bu quelque chose, c'est pas possible, Mehdi, là. Comment? T'as bu quelque chose, là. Non, j'ai rien prévu, vous inquiétez pas, c'est juste que c'est un petit peu la fatigue de toute la semaine. Ah, parce que là, tu as une très grosse semaine alors. Ah ouais, là t'es quand même complètement mort là. Non, est-ce que là vous m'entendez bien? Ah mais on t'entend très bien, on te comprend pas bien, c'est pas pareil. Alors je vous explique, je vous appelle, c'est parce que je suis bi, moi, ouais. Et je tombe à chaque fois amoureux des gens qui sont hétéro. Donc je comprends pas le truc quoi, ça me dépasse un peu. Mais t'es bi ou t'es gay? Ça te dépasse par où, par le cul? T'es bi ou t'es gay? Non, il est hétéro-curieux. Je pense que c'est plutôt gay. Ah, tu penses que t'es plutôt gay? Bah c'est comme Anthony, il faut qu'on l'appelle Anthony. Ouais, on va demander l'avis d'Anthony. Bah oui, attends, on bouge pas, Mehdi, on va demander l'avis d'Anthony, un professionnel dans le domaine, là. Reste avec nous. De la gay attitude. Mais oui, Loïc est avec nous également, là. Loïc qui veut devenir doux, qui appelle de Roussol dans le Gard. Ça va, Loïc? Ouais, ça va, et toi? Bon, tu veux devenir doux malgré ta voix d'homme, là? Ouais. Ah oui, mais tu es en dessous de 15 ans, donc tu es éligible. C'est ouf. Tu es éligible. Je te passe Polo. Okay. Anthony. Loïc. Non, c'est Loïc, Anthony, on va le prendre tout à l'heure. Loïc, tu veux rentrer dans la grande armée des doux? Oui. Moi qui suis l'empereur et le maître de l'armée des doux, je peux accéder à ta demande. Mets-toi à genoux, Loïc. C'est bon. Insulte-toi. Je suis quoi? Je suis une simple. Je suis une merde de dromadaire. Ah, la merde de dromadaire, j'aime bien. Une merde de dromadaire. Bon, Loïc, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ouais. Allez, tape-toi sur la tête afin d'être baptisé. Non, ta tête, c'est quoi? On dirait une noix de coco, là. Ah bah, c'est un doux, hein, elle tête creuse. Hein. Ah ouais, complètement, ouais. Bon, Loïc, tu es doux, bravo, tu es baptisé doux, tu fais partie de la grande armée des doux, tu es le doux grelé. si tu veux, ouais, le doux grelé. Le doux grelé avec la grêle, voilà, très bien. Bah voilà, bah, bienvenue dans le monde des doux, Loïc. Hein. Ok, merci. Et n'oublie pas que tu as beaucoup de travail là à faire, hein, beaucoup de travail à abattre, beaucoup de charges sur tes épaules, puisque tu dois prévenir tous les autres qu'il y a quelque chose, enfin quelque chose de bien écouté la nuit à la radio. C'est sur Fun Radio entre 23 et 2 la semaine et entre 20h et minuit, et ça se passe tous les dimanches. Je compte sur toi, hein. Ouais. Bon, allez, salut Loïc, à Roussol dans le Gard, à bientôt, hein. Salut. Salut, ciao à toi, Loïc, bye bye. Retour avec Mehdi dans quelques minutes. On aura Anthony à Charleroi, donc qui était gay, bi, hétéro, curieux et tout en même temps. Et puis on va évidemment se faire maintenant. Ah là là là là là là là là, souvenez-vous. Souvenez-vous, nous avions un grand chéri, je peux te faire cocu, magnifique, extraordinaire, très très lourd. On vous le remet maintenant parce que comme celui de tout à l'heure, on a appelé et puis bah là, le mec a dit oui, tu peux me rendre cocu. Donc ça a un petit peu cassé le délire. Donc du coup, je vous ai proposé d'en écouter un bien gras et je pense qu'en parlant de bien gras, on a quelque chose de très lourd. Ah oui, là, on alors, est au summum. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute de l'émission au mois d'août, sachez que vous aviez tort, mais... séance de rattrapage, pour ceux qui étaient déjà à l'écoute, séance de rigolade. Écoutez ça, c'était le chéri, je peux te faire cocu. Si pas le meilleur, en tout cas au moins un des meilleurs. Un très très bon. Ouais. Un très très très très très, très, très enfin, bon. Je vous ferme ma gueule, écoutez. Ça va très bien, merci, et vous? Bon, oui, ça va bien, ouais. Ça... Ce petit accent vient-il de Liège? Oui, de Liège. Ouf-tu, de Liège même ou de Liège enfin, à côté? Liège même, mais c'est quand même Liège à côté, quoi. C'est Liège même, ouais, c'est Liège même, mais Liège à côté. C'est un petit village à côté de Liège, on va dire. D'accord, ok. C'est quoi le nom du petit village? Bressou. D'accord, ok, très bien. Bon, ben voilà, donc Christelle de Bressou, donc tout près de Liège. Et donc, la semaine dernière, c'était Bruxelles, si mes souvenirs sont bons d'ailleurs. Ouais, c'était Bruxelles la semaine dernière. Mais les Français ne veulent pas jouer avec nous. Bah non, visiblement, mais c'est pas grave. Après, nous, on est quand même là, on fait le spectacle, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, si vous voulez jouer, hein, on remet le couvert évidemment la semaine prochaine, ou peut-être tout à l'heure, si ça se passe mal avec Christelle, allez savoir. Française,

quoi. Oh là là, t'inquiète pas. Et ça t'a pas étonné. Ils sont dans la bagnole, quoi. Mais attends, ça t'a pas étonné qu'ils sont en train de jouer au ping-pong là, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai jamais arrêté sur le bord de la route, mais non, jamais essuyé, quoi. T'as moins que je trempais, quoi. Mon pauvre. Bon, au filet l'appareil photo numérique, Gaëtan et Christelle, comme promis, là. Merci en tout cas d'avoir, d'avoir participé. Merci. Eh ben, ça va, Gaëtan, ça redescend là un peu la température? Ouais, je dis ça, je vais rentrer à la maison, je vais mettre une tarte à ma femme. Bon, Christelle, tu m'appelles hein, si jamais il le fait. À ce moment-là, on s'occupera de toi personnellement avec Tof, tout ça. Il y a pas de. Oui, avec grand plaisir. Merci. Il y a pas de souci. D'ailleurs, avant le mariage, Christelle, parce qu'apparemment vous allez vous marier, Gaëtan. Ouais. Avant le mariage, éventuellement. Combien mesures-tu? Pardon? Combien mesures-tu, Christelle? 1m68. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Je fais du 75D. Ah, D, ah oui quand même. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Ah oui, oui. Bah, si tu veux, avant le mariage. Moi, si je peux, tu vois, un dernier entretien avant de te la laisser. Bah, de salaud. Ah, et nous, après, c'est pour rendre service, hein, Gaëtan. Oui, c'est pour ça. Mais ouais. Vu les mentionnations, je peux concevoir que tu étais un peu énervé. Hein. Ouais. Parce que parce qu'on trouve pas ces mensurations. Tenu, quoi, hein. De quoi, Gaëtan? Et vous payez, moi, mais qu'est-ce que t'as avec ton argent, toi? Je rigole. Il a foncé. Il veut de l'argent. Bah, je te donne mon numéro de carte, hein, donc 51. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui. Bon, allez, bonne soirée tous les deux, en tout cas. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Bon, et pour le chéri, je peux te faire cocu si vous voulez en faire un. Vous inscrivez maintenant, vous appelez le standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je viens de vous mettre la carte également des orages de la carte de France et Belgique avec les orages. Et on n'est pas sorti dans des emmerdes là. Alors si vous êtes au sud, pépère, hein, vous êtes tranquille comme d'hab. Mais alors si vous êtes. C'est à partir de où en fait que c'est le bordel là? De toute la Belgique jusqu'en bas au milieu de la France. Ouais, en fait ça vient d'en bas, donc ceux qui sont à Limoges, vous êtes tranquille. Et à partir de Limoges, ça monte jusqu'en Belgique, jusqu'au nord de la Belgique. On est en plein dans Paris là. Alors là, c'est-à-dire qu'on en a pour la nuit quoi. Et alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai essayé de faire au mieux pour vous expliquer quand on était sur la terrasse de Fun où c'était déjà le déluge. On est que dans l'orage, dans la partie orange de l'orange, de l'orage que j'ai mis sur le Facebook. Hein. Ah. Même pas la partie jaune. Oui, la partie jaune. Ouais. Il y a le orange et le rouge qui arrivent. Ah bah parfait, on est bien. On va passer. On est parfait. Bah je pense qu'on va rester à la radio. Hein. Ah bah ouais. On va se mettre bien. Il y a Angel qui dit Mickaël sur Fun. Je demande personne à personne moi. Ah oui, c'était par rapport au chéri, je peux te faire cocu. Trop drôle le chéri, je peux te faire cocu. J'en pleure, c'était Roms. Mr Steven qui dit trop fort cette partie de ping-pong improvisée dans le chéri, je peux te faire cocu. Maeva qui dit mort de rire Mickaël, comment tu l'as insulté le pauvre. Bah oui, mais bon, il fallait bien le chauffer un peu. Trop rire avec le canular, c'est Laura. Farida qui disait trop bien, pété de rire. Max également mort de rire les insultes. Je surkiffe pour Guillaume. Il y a Benjamin qui dit j'adore la prononciation du mot connard du mec. Oui, c'était drôle. Hein. Et Monte Dadou qui dit je vais te manger les dents. Nadia aussi, je remarque que Michel était un peu plus timide avant. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Et Charles qui dit Mickaël, je te kiffe, vous me faites bien délirer. Bah tant mieux, on est là pour ça aussi. Et Jérémy qui dit j'habite dans le sud de la Vendée, on n'a rien, il fait chaud, fenêtre ouverte et pas d'orage, pas de pluie, ni de grêlons. Eh ben très bien, bon, on prend tout pour vous, vous inquiétez pas. En attendant, ce que je propose, même si on s'en rend pas bien compte dans le nord de la France et même dans le centre, hein, on va se mettre Calvin Harris avec Summer. Ah bah oui. C'est une chanson d'à propos. Bah écoute, pour tous ceux qui sont dans le sud, en tout cas, oui. Oui, c'est vrai. Ça l'est vraiment d'à propos. Pour nous, un peu moins. On aura les appels malveillants dans quelques minutes et on a réussi à avoir Anthony qui va donner quelques conseils à Mehdi, hein, Anthony de Charleroi, donc qui est bi, voire gay, mais il sait pas très bien. Un peu comme Anthony, en l'occurrence. Hein. 1h27 sur Fun. Bonne nuit tout le monde. On est au cœur de 2h sans pub. C'est Calvin Harris qu'on écoute tout de suite avec Summer. And I met you in the summer. To my heartbeat sound. Calvin Harris, c'était Summer sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, autant vous dire que c'est le déluge là. Oui, on va mourir. Ah bah là, on n'est pas loin quand même. Hein. Bon, il faut savoir que la pluie est juste sur la tête à Tof. Oui, exactement. Un peu comme dans les dessins animés, tu vois. Hop là, ça tombe juste au-dessus de sa gueule. Oh, quelqu'un avait un bateau. C'est ça. Sympa. Non, bah alors pour ceux qui sont dans le sud de la France, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont complètement ouf. Les mecs sont dehors en train de boire l'apéro, mais le pouce café, on va dire. Alors que ici, dans le nord, c'est pas tendu, c'est au-delà de tendu. Voilà. C'est la merde. Ah ouais, j'ai Guillaume, un autre Guillaume qui m'a envoyé une photo. Apparemment d'un pote qui habite à Paris qui lui a envoyé des photos des grelons qui sont tombés là. C'est des trucs qui sont assez énormes quand même. Ça ressemble à un espèce de gros glaçon. Mais c'est pas possible, si on reçoit ça sur la tête, on est mort. Bah complètement, et d'ailleurs il y a un auditeur, il y a Den qui dit: salut Mickaël, si t'as toujours ta Golf cabriolet, rentre là, la capote va pas kiffer la grêle. T'inquiète pas, j'ai été intelligent. Je l'ai laissé à ma copine et j'ai pris la sienne. Voilà, comme ça, ma caisse est dans le garage au chaud, au pépère. Et bon, bah l'autre, après on verra. Hein. Ouais, de toute façon, c'est une voiture de meuf. Ouais, oui, mais voilà, c'est ça. Il y a Devers45 qui dit: pour le moment, je suis tranquille avec les orages et les grêlons, mais je me méfie quand même avec la fenêtre ouverte. Oui, il vaut mieux. Hein. Et Bows Headshot qui dit: 30 degrés, posé pépère en Guadeloupe. Ouais, bah c'est ouais. Ouais. Et rien dans le 7-6 pour David, Cyril qui dit absolument rien dans le 03, Yvan qui dit c'est la fin du monde chez moi dans le 92. Ah bah oui, région parisienne. Victor à Lille, c'est la tempête, jamais vu ça. PS, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Ça fait un bail que je vous écoute. Bah bon courage Victor, bon courage ceux qui sont sous la tempête. Et petit message de bienvenue. Alors attends, je vais te prendre lequel. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Voilà, mais pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont peur pour leur voiture, j'ai mis la solution pour éviter qu'il y ait des coups dans toute la carrosserie à cause de la grêle. Allez voir sur le Facebook et le Twitter, vous tapez Mickaël officiel pour venir voir tout ça. Et puis je vous ai mis la solution, je vous ai mis la photo, c'est facile, ça peut être fait rapidement. Oui, c'est ça. Dès qu'on voit les premiers grelons qui tombent, voilà, on y va. Système hyper rapide. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et alors il y a Eddy qui dit Apollo Fortier sorti en 98. Ah bah j'avais dit 2000, tiens, bah, comme quoi je me suis gouré. Interprété par Lost in Space. Voilà, bah merci pour la petite info. C'était la musique qui ressemblait pas, hein, c'est inspiré par ça. Ça c'est la version de David Guetta qu'on vous a fait écouter toute la journée. Et puis après il y avait la version également de Apollo 440 avec Ain't Talking But Dub, sorti en 98. Donc écoutez, bon, ça change un peu quoi. Quand on compare avec les deux. Bah du coup ça va pas ensemble là, évidemment. Non, je mettrai l'occasion à la son de Apollo 440 avec Ain't Talking But Dub là, si vous voulez l'écouter tout à l'heure ou un de ces quatre, il suffit de demander, il y a pas de problème. David Guetta, on se le remettra évidemment avant de partir. Victor qui dit je suis dans le 10 et j'entends la pluie et le vent qui arrive, vite je vais peut-être fermer la fenêtre. C'est une bonne idée Victor, n'hésite pas. Nous on a perdu un parasol à la radio. Oui, c'est je pense qu'on a qui est on a perdu la terrasse. On a perdu la terrasse. Moi qui voulais faire un barbecue avec les auditeurs avant la fin de l'année. Bah c'est bien, mais faudrait qu'ils viennent avec leur chaise. Oui, leur chaise, leur parasol. Et prenez même le parapluie, hein, sait-on jamais. Maïva un bouclier qui... surtout avec la grêle. Oui, ah bah oui, tout va être niqué hein. Mickaël, je t'aime, Toff aussi, voilà, je voulais que vous le sachiez avant votre mort. Oh, bah, merci oh, Maïva. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Je suis dans le 91, il y a pas de grêlon là. C'est Greg RNY qui avait envoyé le message. Et Bastien, dommage que Toff ne soit pas mort. Bah pas encore, hein, mais il est pas rentré encore. Tout peut arriver. Je rappelle qu'il rentre tout à l'heure avec la magnifique Autolib. Ah oui. Qui c'est... prendra l'orage. Oui, mais l'avantage c'est qu'au moins elle sera chargée. C'est, oui, elle sera chargée d'un coup, effectivement. Bon, Mehdi qui est de retour. Mehdi, t'es là? Ouais. Bon, on va faire les appels. On va faire les appels, les appels dans quelques minutes. Appels malveillants. Ouais. Tu dis, Mehdi? Ouais. Je t'ai dit bonjour ou pas? Non, pas encore. Oui, j'ai dit salut la team, mais j'ai dit bonjour, j'ai oublié de dire bonjour. Mais je vais vous dire, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous là-haut. Ah bah, c'est là-haut, tu sais, comme on est mort. Eh, vous saluerez Saint-Pierre. Du haut du paradis. Voilà, c'est ça. On descendra l'atmosphère. Bah, il faut savoir qu'on est tous morts, mais Toff n'a pas pu rentrer au paradis. Hein. Non. Ça, le mec lui a dit, t'as vu ta gueule, casse-toi, tu vas en face chez les rouges. Parce qu'il a son dossier, là. Voilà, il a un dossier, mec. Mais c'est pour ça que je suis immortel, c'est-à-dire chaque fois que j'y vais, il me remballe. Exactement. Non, tu retournes. C'est ça. Ouais, Mehdi. Il y a pas un Marseillais parmi vous? Non, ah non, il y a pas de Marseillais, non. Ah non. Pourquoi? Non, comme ça, je me demandais. Ah non, il n'y a pas de Marseillais. Pas de Marseillais ici. Mais par contre, on a Anthony hein, qui est avec nous. T'es là, Anthony? Ouais, c'est Mickaël, c'est toute l'équipe. Ça va? Salut, Anthony. Ce qui est bien avec Anthony, c'est que même si c'est de mauvais poil, t'entends sa voix, paf, t'es ouais, hop, tout de suite, la bonne humeur revient. C'est un comique. Ça passe mieux, ouais. Bon, Anthony, on a Mehdi qui est avec nous, qui a 21 ans, pas près le même âge que toi. Et il a le même souci que toi, c'est-à-dire qu'il est bi, voire gay, il sait pas très bien encore, mais il ne tombe amoureux que d'hétéro. Ah, c'est bizarre. Ouais, voilà. Ouais, bah donc, oui. Du coup, comme Anthony est un chef, est l'homme de la situation. L'homme de toutes les situations. Voilà, Anthony, Mehdi, Anthony, vous pouvez faire connaissance si vous voulez, hein. Ouais, salut. Salut. En fait, ouais, je veux dire, c'est que je voulais savoir. Attention, là, parce que là, on va rentrer dans une phase passion temporelle. Ça va être la discussion là, je vous le dis. Oui, je voulais dire que je l'aime, ça va être quelqu'un que j'aime, là. C'est ça le problème. Mais il est hétéro, soi-disant, c'est ça le truc. On comprend rien. Mais ce qu'il raconte. Mais si elle est heureuse, ça sert à rien. Et l'autre, il comprend tout. C'est ouais, ça qui est balèze, tu vois. Il y a des gens qui se comprennent. Nous, on capte rien. Mais si. Allô oui. Ah d'accord, non je disais, non c'est en fait il y a un mec que je connais et je veux me mettre avec lui, j'avais perdu de vue il y a 6 ans et je croyais qu'il était décédé mais non, il m'a rappelé et genre sa famille me font croire qu'il est hétéro et tout ça et moi j'ai de gros doutes, bon, mais ouais. C'est ça que j'arrive pas à me lever de la tête. Non mais moi ah. C'est pas mon PC ami donc ça fait rien que je demande. Ah, pas, on est aux alcooliques anonymes ou pas? Je dis j'ai pas mon PC ami, j'ai pas demandé. Ouais, ben ouais. Oui, je vais sur l'ordinateur. Mais ça, il a à la fois pas. Bien pris et à la fois mal pris. Ouais, toi, sinon, c'est quoi cette cabine? Moi, j'ai un chaleur en Belgique. Ah, d'accord, ouais, tu es et tu as quel âge? Comment ils font pour se comprendre? Je sais pas, mais. Ouais. Par contre, c'est qu'ils ont une vraie discussion. C'est quoi, sinon, j'ai pas. Comment je suis? Raphaël? Non, Anthony. Anthony, pardon. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que je tombe amoureux de mec. Mais ils sont souvent le plus souvent ils sont hétéros. Et oui, il est amoureux de toi, mais que tu as envie. Et il comprend tout, hein. Ceci, c'est qu'on s'est pas vu depuis 6 ans. Bah, demande-lui pour un rendez-vous, il dit lui cache que t'es amoureux de lui, et voilà, et ouais, ça va mais... Et t'as remarqué, quand c'est pas pour lui, c'est le roi du conseil. Ouais. Ça... Je sais pas s'il va vouloir, hein. Parce que je me suis guéri tout ça en me disant que je l'ai mis via Facebook. Mais si tu lui dis pas, si tu lui dis pas que tu ne le vois pas, il n'y a pas besoin de le savoir. Eh, roi du conseil, hein. Ah, mais je lui dis, il y a Facebook et ça n'a pas l'air d'avoir retenu. On va les mettre ensemble. Bah oui, ils vont nous faire des petits. Non, c'est pas possible, ça. Ça n'a ni embarrassé, ni dégoûté, quoi. Non, ça, c'est pas possible. D'ici là, la science aura fait des progrès. Mais ça, je sais pas, moi, je sais pas te dire, je connais pas personne, donc... Ah, il peut pas aider. En plus, c'est le seul de ta famille, tes frères et sœurs, qui est célibataire. Oui, ben dis-lui que t'es amoureux de lui, et c'est de ranger un coup, et ça va peut-être se faire par après. Bon, alors attendez, je vais laisser discuter ensemble. En attendant, point météo là, urgent là. Je viens de recevoir une photo de Guillaume. Apparemment, c'est dans le 77. Je viens de vous la mettre sur le Facebook et le Twitter. Allez voir la gueule des grêlons. C'est-à-dire qu'on est presque à une balle de foot là, quand même. Mais non. Bon, j'exagère. Mais allez le voir. Je viens de la mettre facebook.com. Tapez MIKL officiel. Mais non. Sur le Twitter, mec. Alors je sais pas. Non, franchement, ça peut pas être fake. À un moment, j'y ai cru. Mais là, tu vois bien la main de la meuf et tout, et la mise son vrai nom et tout. Donc tu vois. Non, c'est un photo. Non, mais tu reçois ça sur la tête, t'es mort. Non, mais c'est d'une violence là, t'imagines un peu si c'est vrai. Attends, t'as vu l'autre, on dirait les boules qu'ils avaient au Moyen-Âge pour buter les mecs. Putain, c'est énorme. Mais non. C'est... Non, mais attends, je sais pas, allez voir, c'est un truc de ouf. C'est dingue, non? Non, mais il est violent. En plus, c'est l'accumulation de plusieurs petits grêlons qui forment un grêlon géant. Grave, comme s'il y avait une conspiration du grêlon. Il y en a un, c'est un pic, on dirait un petit rocher, tu sais, au coco. Mais voilà, oui. Coco. Je l'aurais bien bouffé, tiens, ça aurait fait de bien. Bon, alors, on va revenir dans la discussion là. Quand tu fais mort avec un mec, une fille, t'aimes me faire avec qui? Ah, franchement, je la vérité, je trouve que le corps d'une femme est dégueulasse. Je préfère le corps de. Je veux tout dire. Ben voilà, ça y est, Mickaël a raison, tu es bien, mais avec ce qu'il vient de dire, c'est gay. Ouais, voilà, on ne comprend rien de ce que dit Anthony, on ne comprend rien de ce que dit Mehdi, mais eux se comprennent et c'est le principal. C'est dingue. Bon, on va les laisser en deux, hein. Oui. Ben voilà, c'est génial, on a trouvé la solution alors. Ah, vous étiez en train d'écouter pour derrière. Bah oui, on vous a pas mis de côté, hein. Ah, mais en revanche, puisque le feeling a l'air de bien se passer, moi je vous conseille, on va vous mettre hors antenne, comme ça vous allez pouvoir discuter ensemble. Et Mickaël, oui. Il n'y a pas moyen que des gens de Marseille se manifestent pour faire des rencontres avec eux. Oui, là ça donne pas forcément envie, mais oui bien sûr, si vous êtes marseillais là, appelez-nous au 01 42 48 5000 et puis on peut te mettre en relation avec vous mettre en relation avec Mehdi sans problème, ouais. Et Mickaël, je voulais te demander si ça te dérangerait pas, parce que ça te rappelle des souvenirs. Comprends. Ça te dérangerait pas de me donner l'iPad mini? Non. Tu te souviens de moi? Non, c'est bien essayé, hein, mais c'est non. C'est raté. Parce que j'étais dégoûté, j'avais raté à peine de 2 minutes, j'avais le seum. Ah, c'est toi, Mehdi. Bah oui, mais la règle est même pour tout le monde, Mehdi. Ah hein. Oui, c'est moi, bon, vous m'avez reconnu. Bah oui, Mehdi, bah oui. Alors Mehdi, on t'avait appelé pour la colle, t'avais pas décroché, ouais. Et la règle c'est ça, hein. Si tu décroches de la bonne réponse, tu gagnes, sinon dans tous les autres cas, c'est l'autre qui gagne. Ouais. Et bah là, c'est l'autre qui gagne. Bah ouais, bah comme maintenant. Hein. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te repasser Sandro, peut-être qu'il y a une solution pour toi. Non. J'ai pas de solution. Mais si, réfléchis bien, réfléchis bien, je suis sûr que tu peux la trouver. Certainement, certainement. Ouais. Tous les soirs. Voilà, bah. Eh ben, en plus, elle est trop jolie. Bah, voilà, regarde, t'es allé faire les kicks. Hein. Mehdi, je te repasse Sandro au standard. Anthony, merci à toi. Mickaël ? Ouais. Je vais demander une petite chose. Dis-moi. Est-ce que tu peux faire une dédicace ? Vas-y. Sur une pierre tombale, tu peux pas nous graver un truc ? Vas-y, vas-y. Alors, j'ai fait une dédicace, une grande dédicace à tout Fun Radio Belgique, à tout Fun Radio France et à mon frère Stéo Écoute. Eh ben, très bien. Fun Radio Espagne, non ? Et oui, Fun Radio Espagne, il pue du cul. Bah, tous les Fun Radio, quoi. Ah, bon, bah, tous les Fun Radio Espagne et ouais. Mongolie également. Ça aurait été plus simple de dire je fais une dédicace à Fun Radio. Oui, c'est vrai, mais on a Fun Radio Mongolie également, c'est Toff qui devient le directeur général. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà le premier t-shirt. Ah, t'imagines Toff chez les Mongols. Bon, évidemment, on n'a rien contre les vrais Mongols qui nous écoutent. Si. Mais non, mais contre les vrais Mongols de Mongolie, tu vois. Ah, bah non. Parce qu'on dit toujours, ah putain, t'es un Mongol. Mais c'est vrai, ça va, à la base, c'est méchant. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les Mongoliens. Bon, Anthony, bah, ça va la tempête à Charleroi, il y a quelque chose ou pas? Bah, pour l'instant, il n'y a pas de pluie, mais quand je parle avec vous, bah, ça éclairait derrière chez moi. Ah, devant juste quand moi, on parle avec nous. Voilà. Ah bon, d'accord, bah c'est bizarre. Bon, ah bah pas de problème. Bah salut Anthony, hein. Bah salut Mickaël, merci de m'avoir appelé. Ah bah je t'en prie, avec plaisir. Salut à toi, merci Anthony. Merci à toi d'être toujours toi-même. Eh oui, bye bye. On va filer, et c'est là qu'on va attendre longtemps pour filer le cadeau au doux, là. Parce qu'on va devoir avoir son père. Il va se faire démonter son père, là. Enfin, le doux, parce qu'il est debout encore à cette heure-ci. On va revenir, il y a Max qui dit Mickaël, bientôt tu remplaceras Catherine Laborde. Oui, la météo, ouais. Ouais, je donne l'info en temps réel. Il y a Mister Steven qui a discussion entre Anthony et Mehdi, il vient d'une autre planète. C'est pas possible autrement. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a switché sur autre chose. Benjamin qui dit pété de rire, comment il fait pour le comprendre, mais j'ai rien compris non plus, hein. Flaviano Limite qui dit je comprends rien, rien de chier rien, et Fabio qui dit Mickaël je suis de Rouen et j'en prends plein la gueule avec l'orage, ah bah apparemment à Rouen ça tombe aussi, et alors message de Guillaume qui dit yo Mickaël, petit message de bienvenue pour mon frère à qui je fais écouter la radio pour la première fois, il kiffe et voudrait bien entendre Jean-François s'il y a moyen de l'appeler, eh bah écoute on va faire le nécessaire, reste avec nous Guillaume, message de bienvenue, voilà, et reste avec nous. Peut-être que t'auras quelque chose que tu vas kiffer juste après, tiens. Je dis ça, je dis rien. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on termine les 2h sans pub, on revient dans 3 secondes sur Fun, restez là. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours en mode orage, en mode tempête, en mode bordel hein, ce soir là. Faites attention si vous êtes sur la route, si vous êtes pas obligé de sortir, bah restez chez vous. Si vous êtes évidemment sur le tracé de l'orage, c'est-à-dire qu'il va à peu près de Limoges jusqu'au nord de la Belgique, il passe, il couvre Paris, tout le bordel évidemment. On a mis une photo, alors vrai ou faux, j'en sais rien, mais elle a l'air vraie quand même malgré tout, d'une auditrice là dans le 77 à Porto-Cobo qui a mis des photos de deux boules de grêle qui lui sont tombées sur la gueule. Enfin à côté, hein, sinon elle était. Elle ne serait plus là pour envoyer la photo, bien sûr. Mais donc, juste une violence. J'ai mis la photo sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Donc, allez-y avec le hashtag Mickaël. Pareil également, je vous ai mis la carte de France et de Belgique où les orages passent. Comme ça, vous savez si vous êtes, si vous allez le prendre sur la gueule ou pas. Et si vous êtes sur Paris, puisque nous, on y est, je peux vous dire que ça tombe sa mère. On va renvoyer Toff en éclaireur. Je vais retourner mourir, oui. Bah, pour voir un peu comment ça se passe, si ça s'est un peu calmé ou si c'est le déluge. Ou si c'est pire. Bah, ou si c'est pire, voilà, c'est ça. On fait ça dans quelques minutes. Et Romain qui dit mort de rire, Toff, le directeur de Fun Radio Mongolie. Et Dylan qui dit le Mehdi, il est défoncé, c'est pas possible. Oui, je pense également, hein, je pense. Polo contre le reste du monde à suivre dans quelques minutes. Si vous voulez participer à cette grande émission, n'hésitez pas. Vous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Depuis la Belgique, vous n'hésitez pas. Il est 1h46 sur Fun. On est en mode direct, tout simplement. Il n'y a plus de pub à pépère pendant 1 heure sur Fun. Et puis on s'écoute. L'excellent son de Jennifer Lopez maintenant sur Fun Radio, c'est First Love. Bonne nuit tout le monde. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Prévenez ma pote, on est là tous les soirs. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio 1h50. On est même à la bourre. On va faire les appels malveillants. Il y a Romain qui dit Toff, il est tellement graisseux que si un grelon lui tombe dessus, ça va rebondir. C'est malin, ouais. Romain. Bravo. Ouais, ouais. Bravo. Bon, cela dit, c'est pas forcément faux au niveau du contre. Oui, on va faire la gaine aussi. Hein. La gaine. Le gainage. La gaine. On va se faire le gainage. Pourquoi je dis la gaine ? On va se faire le gainage. On est dans votre gainage. On va se mettre des gaines comme les vieilles, là. Oh la honte. En mode gainage. Donc on va faire ça. Je crois qu'on va un peu déborder ce soir. Qu'est-ce que je veux dire? On fera donc pour le contrôle le reste du monde également. Ouais. Et puis les appels, hein, appels malveillants, c'est parti. Puisque apparemment une vétérinaire a dit qu'elle avait déjà fait l'amour à un dauphin. Oui, normal. Donc on va appeler des gens comme d'habitude, hein, grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, bah, pour leur demander comment ça se passe, s'ils ont déjà pratiqué ou pas, quoi. Bah oui, c'est en ça. En espérant c'est que ce soit non, bien entendu. Allez, on y va. Oh la merde, oui, bah Jennifer Lopez, on vient de l'écouter, hein, pour le coup. Hein. Voilà, on est au 1h51, là, c'est parti, on y va, on appelle. Et il y aura Jean-François à suivre, peut-être. Peut-être. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à faire l'amour avec des animaux. Ah, mais certainement, mais ça ne vous regarde pas, petit imbécile. Ah oh bah non madame, dites pas ça, pourquoi vous dites ça? Oh, bon, on rappelle. Imbécile, bah. Allez, hop. Pour le moment, on appelle pas, on appelle dans le sud, hein, vu qu'on n'entend pas de bruit de pluie ni d'orage. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Oui. En fait, je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à faire l'amour avec des animaux. Ah, bah régulièrement, bien sûr. Ah, d'accord, et quel genre d'animaux? Bien sûr, bien sûr. Quel genre d'animaux? Ah, bah je sais pas ce qui se présente, quoi. Ça peut être les mouches, les moustiques ou les éléphants, c'est selon. Ah oui, ah, vous êtes très ouvert donc. Ah oui, oui. Ah oui. Bon, bah parfait. Qu'est-ce que vous voulez m'emmerder là ce soir? Ça veut dire quoi ça? Mais je veux pas vous emmerder monsieur, je voulais savoir si vous ça avez... Bon, allez, ça suffit, va. Allez, bonsoir. Bah oui, bah, bonsoir monsieur. Ah bah il est parti, bah voilà, bah bonsoir monsieur. Bah bonsoir. Bah bonsoir. Bon Tof, tu pars dehors je là pars, pour voir un peu là. On va récupérer Jean-François là dans quelques minutes. Jean-François, t'es là? Oui. Bon, en Ardèche, il pleut ou pas? Non, la question aujourd'hui. Oui, non, mais aujourd'hui oui, mais là ce soir là, il y a de l'orage ou pas? Ou il y a pas d'orage? Non, non, il y a pas d'orage. Ah, rien du tout en Ardèche? Non. Oh là là là là là là. Ah ouais. Comment vas-tu, Michael? Eh ben écoute, là ça va encore bien. Alors juste pour info, t'écoutes tous les soirs. Bah je sais, Jean-François, je sais bien que t'écoutes tous les soirs et que t'es infidèle. Attends deux secondes, Jean-François, il y a juste le Parisien qui confirme la taille des grêlons, hein, que j'ai mis sur le Facebook là. Il y a des auditeurs qui disaient, enfin même nous d'ailleurs, on était les premiers à se dire, attends, c'est pas possible. C'est des balles de tennis. La meuf, bah ouais, c'est d'une violence. Ça fait la taille de sa main. Oh, ça fait la taille de la largeur de la main. C'est d'une violence. Et donc c'est le Parisien confirme la taille à peu près. Ils ont mis une vidéo sur leur site où effectivement c'est grosso modo la même taille. Donc oui, ça existe apparemment. Donc c'était du côté de Disney, hein, dans le 77. Il y a Antoine qui dit, j'étais en scooter, je me suis pris un grêlon en pleine gueule. Je peux avoir un message. C'est dégueulasse, mais c'est quand même drôle malgré tout, tu vois, c'est dans le truc quand même, tu vois. Bon, un petit message de bienvenue. Ah bah tu te le mets dans l'anus. Bah voilà, le grêlon, tiens, tu vois, pour te le mettre dans l'anus, tout simplement, tiens. Bon, alors attends, on va récupérer Tof, t'es en direct de dehors, là, Tof. Oui, si Michel, c'est le déluge, il pleut un truc de dingue. Je crois que je m'en... Non, il n'y a plus une goutte, là. Mais il y a encore des orages? Non, il n'y a plus rien. Ah, ah bah donc l'orage est passé alors. Ouf. Ah ouais, non, là il y a plus rien. Ou alors on est au milieu du cyclone, mais non, mais c'est pas un cyclone. Depuis qu'il est directeur d'antenne de Fun Radio Mongolie, là, c'est plus le même. Il se la ramène. Donc d'accord, donc l'orage est passé alors, très bien. Enfin, là il y a plus rien. Là, en tout cas à Paris, l'orage est passé. Putain, il est en train de monter dans votre cul en or. Voilà. Hop, voilà. Bon, bah, non, très bien. On est bien, je vais rester un peu sur la terre. Et oui, bah, tu peux revenir. Tu peux revenir parce qu'il y a Polo contre le reste du monde et puis surtout le gainage. On va. Ah, oui, merde. Bah ouais, on va avoir besoin du monde là. Ouais. Par contre, on a des inondations à la radio. Oui, bah oui, c'est normal avec tout ce qui est tombé, tu m'étonnes. Bon, allez, à tout de suite. Oui, bah j'arrive. Bon, bah très bien. Avant de faire Polo contre le reste du monde, il y a Dimitri qui est avec nous, hindou. Ça va, Dimitri? Oui. T'es en forme? Bof. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ça, je suis un peu crevé, hein, vous avez vu, hein. Ah bah oui, mais Dimitri, c'est le but du jeu, ça. C'est qu'il va falloir qu'on ait ton papa au téléphone pour que tu puisses repartir avec le pack I love Papa Wonderbox. Oui. Bon, qu'est-ce que t'as offert l'année dernière à ton père? Oh, j'ai offert une fleur et un dessin. Une fleur? Mais c'est un daron, t'aurais pu offrir une perceuse, une raboteuse ou un tournevis. Non. À la limite, une clé à molette. Oui, une clé à molette, je sais pas moi. Un martinet. Quelque chose, oui, c'est ça, pourquoi pas. Et il était content? Une escorte. Oh, oui. Bon, bah écoute, c'est toujours ça de prix, c'est bien. Ça, c'est un vrai cadeau, une escorte. Bon, et donc cette année, on va sortir le grand jeu alors. Apparemment, là, pour. Ah, oui. Le coffret I Love Papa Wonderbox, là, qu'on va filer. Et même pouvoir faire un tour en Lamborghini, ça va être la folie totale. Bon, est-ce qu'il est là ou il faut qu'on l'appelle? non, il est ailleurs. Ah bah il est déjà à côté de toi, très bien, parfait. Et alors, pour 500 euros, on peut trafiquer la Lamborghini. Oui, tout si à fait. Si tu veux t'en débarrasser. On la reprogramme. Pour qu'elle aille encore plus vite. Comment il s'appelle ton père? Thierry. Thierry, bon passe-nous Thierry alors. Oui, bonjour. Dis donc, t'es en train de te foutre de notre gueule ou quoi, Dimitri, là? De quoi? Dimitri, t'as cru vraiment qu'on allait croire que c'était ton père qui disait oui, bonjour? Avec l'accent d'hier, là. Mais tu nous prends pour des tâches ou quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Bon, c'est toi, Thierry, alors? Bah oui. Ah, d'accord, pardon, je croyais que c'était le petit. Oh, bon. Bah, maintenant, on va me confondre avec mon fils, non, mais franchement. C'est nous. Bon, ça va Thierry? Oui, oui. Dis donc, c'est pas bien de laisser le petit debout jusqu'à ce temps-là. Hein. Oh, mais vous inquiétez pas, il va être puni. Hein. Ah, il va être puni, qu'est-ce qu'il va prendre Thierry là? Cher. Oh, bah, il va. Parce que normalement, il se côté sur le jeu vidéo, là, il va pas avoir de jeu vidéo pendant la semaine. Hein. Ah, d'accord, ok. Mais vous êtes antillais? Oh, non, non, non, non. Vous êtes quelle nationalité, papa? Oh, je suis né en France. Ah, vous êtes né en France, vous êtes français quoi? Oui. D'accord, ok. Et vous avez quel âge, papa, là? Vous êtes un jeune ou un vieux, papa? 53 ans. 50... Ah, quand bah même. Oui, on le sent bien, les 53 ans, là. Arrête. Et Thierry, vous êtes né en quelle année, alors, du coup, 53 ans? Je suis né... Attendez. Alors, attendez, je rapporte 4 divisé par 3. J'ai une très mauvaise mémoire. Non, arrête le cinéma, ça. Mais non, il a l'accent anglais, un peu, c'est... Oh, qu'il est mauvais. Bon, Dimitri. D'accord. Non, c'est Thierry, là. Oui, bah repassez-moi Dimitri, Thierry. Dimitri, tiens, c'est un radio. C'est genre, il est pas au courant, le petit, là. Dimitri. Quoi? C'était parfait, quoi. C'était parfait. Hey, t'es un doux, toi, hein? Bah oui, mais... Ah ouais, toi, t'es un bon doux, toi, hein? Tu peux nous passer ta mère, là? Ah non, elle est couchée, elle. Mais réveille-la, justement, réveille-la. Oh bah non. Non, mais vas-y, réveille-la, maman, montre. Va nous. Mais justement, t'as déjà réveillé ton père, tu peux réveiller ta mère. Ah non, c'est mon père, je l'ai pas réveillé, lui. Eh bah justement, bah, réveille ta mère, alors. Ah non, moi pas ma mère. Ah si. Ma mère, elle va me défoncer encore plus. Bon bah repasse-nous ton père alors. Bah passe-nous ton pote et tu lui dis qu'il passe ta mère. Non mais attends, non, repasse-nous ton père. Oui, bonjour. Allô Thierry. Est-ce que tu peux nous repasser Dimitri? J'ai oublié de lui dire un truc. Ok. Vas-y. Oui. Ah Dimitri, dis-moi, ton père il est à côté de toi là? Oui. Bon passe-le-moi. Vous jouez à quoi? Mais non, mais justement, mais c'est pour être sûr là, passe-moi le père là. Oui. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Bah rien du tout. Je comprends pas pourquoi il rigole ce con de teuf là derrière là. Bon, Thierry. Oui. Dimitri, pardon. Non, là c'est Thierry. Ah c'est Thierry, pardon, autant pour moi, ouais, c'est ça. Et du coup, vous l'avez... quel âge il a le petit, le doux là? 12 ans. Ah, 12 ans, et il est né en quelle année? En 2001. Ah, en 2001, ah ouais, donc ouais. Ça vous rajeunit pas, hein? Ah non, je sais pas, non. Que ça me rajeunit pas. Et maman, comment elle s'appelle? Sandrine. Ah, elle s'appelle Sandrine. Et quel âge, elle est plus jeune, elle? Oui, elle a 44 ans. Ah, 44, et elle est née en quelle année? Elle est née 9 ans après moi. Oui, bah, merci Roger. Merci Thierry. Ouais, pourtant bon. C'est facile, 44-2014. 44-2014, c'était facile à calculer, hein, pourtant. Oui, mais moi je suis pas bon en calcul. Ah oui, c'est bien marqué. Il l'a pas fait encore. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Ah oui, beaucoup de travail. Mais vous travaillez en quoi, Thierry, là? Je travaille la série. Dans quoi? La Syrie. La Syrie, il est parti à la guerre, il va revenir. La Syrie? Je sire, oui, la Syrie. T'es parti, tu travailles en Syrie? Non. Non, je comprends pas. Sire. Tu cires quoi, des pompes? Mais non, mais une Syrie, c'est un truc où tu coupes du bois, en fait. Non, mais fait oui, voilà. Ah, donc quand tu travailles dans une Syrie, tu cires? Ouais, c'est ça. Enfin, je cire, quoi, je cire du bois. Ah, donc tu cires du bois? Eh oui, il y a tellement de forêts dans... Bah oui, évidemment, à Chapelle-Achard en Vendée. Oui. Il y a des grosses forêts en Vendée. Bien sûr, évidemment. Et des bûcherons partout. Bon, très bien. Bah, repassez-moi Dimitri alors. Ok. Bon, au revoir. Hein. Oui. Bon, Dimitri. Et si tu nous dis la vérité, ah, tu gagnes. Tu es pardonné. Voilà, si tu avoues, si tu avoues, tu gagnes. Si tu avoues pas, tu perds. J'avoue, c'était un test. Un test. Mais quel escroc, quel putain de doux alors. Oh, oh, il est ouf. Doux. Alors, mais c'est un truc de ouf les doux quand même là. Eh, il faut que tu gères un peu. T'aurais dû faire une voix un peu plus grave, mais pas changer d'accent, putain. Toi, t'as un accent normal. On a l'impression d'avoir un antillais, puis après, c'est devenu un anglais. Ouais. Et puis, gère bien le CV du daron. Oui. Mets l'âge, mets la date, mets tout. La quoi. Syrie, tu scies du bois, tout ça. Enfin, plein de trucs quoi. Ouais. Bah oui, oh là là, il y a Manté Dadou qui dit trop marrant, il s'est fait griller le doux, la mort de rire. Charles qui dit mais qui est con ce doux, je suis plié. Lui, la boxe, il est vraiment trop fort, je suis pété de rire aussi, c'est Roms. Dylan qui dit le doux est pas crédible pour le coup, la mort de rire, je suis plié en deux. Oui, donc moralité, t'as fait rire tout le monde, donc c'est le principal, tu me diras. Bon allez, pour ça, on va quand même te filer le pack, mais faut pas déconner, la prochaine fois, si j'ai pas le père au téléphone, ça a bardé, d'accord? Ok. Bon allez, Dimitri, passe-nous Thierry encore pour voir. Oui. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Mais pourquoi t'as pris un accent antillais? Ouais, j'en sais rien, moi j'ai pas trop fort. T'as pas réfléchi? Ouais. Ouais, bah, voilà, c'est un doux en même temps. Bah c'est ça, c'est un doux, effectivement. Bon allez, salut Dimitri. Salut. Oh les doux, je te jure. C'est fou un doux. Oh, hein. S'ils étaient pas là, faudrait les inventer. Oh là là, c'est un incroyable. Truc de dingue quand même. Guillaume qui dit mort de rire, Mickaël, tu gères, t'as le merci de mon petit frère Alexandre. Il découvre notre ami Jean-François. Eh ben écoute, avec plaisir. Alors Jean-François, je sais pas si on va le prendre. Enfin on va le prendre, mais je sais pas si on aura le temps de le satisfaire ce soir. Hein, parce que ça prend du temps de satisfaire hein, Jean-François. Donc peut-être qu'on le fera demain. T'es là Jean-François? Oui. Bon. Ouais, elle doit dormir Christelle à ce temps-là. Dis donc, parce que on a essayé de joindre Christelle là, mais elle dort. Oh merde. Bah oui, est-ce qu'on peut te rappeler demain soir, un peu plus tôt? Oui. T'es sûr hein? Oui, je serai là. Bon, très bien, comme ça demain Jean-François sera avec nous sur Fun Radio et on pourra appeler Cristal, etc., oui, etc., et ça va être bien. Bonjour Cristal. Bah ouais, on a essayé de l'appeler, ça saisit directement sa messagerie. Oh merde. Bah ouais, oh merde. Attends, on va essayer de la rappeler maintenant, peut-être qu'on tombera sur sa messagerie, Cristal, attends, bouge pas. Hein. Attends, on essaye d'appeler. Bonjour, c'est Cristal, je ne suis pas disponible, rappelez-moi. Bisous, bisous. Allez, c'est le répondeur. C'est le répondeur, Jean-François. Comment vas-tu, Mickaël? Bah, moi, je vais bien, mais Cristal dort, là. Oh, merde. Et apparemment, elle a laissé un texto, apparemment, elle s'est touchée en pensant à toi, donc ça s'annonce pas mal pour demain. Il dit que je l'aime. Oui, bah, enfin, pour là, c'est son répondeur, donc tu lui diras demain, Jean-François. Ouais, je lui dirai demain. Bon, bah, on fait comme ça, alors, très bien. Bon, Jean-François. Oui. On se rappelle demain? Oui, d'accord. T'es en train de te branler là ou je rêve? Non, non. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Tu gardes la sauce pour demain, hein? Oui, je me réserve. Qu'on puisse demain faire une grosse salade. Voilà, très bien. Oui, je fais cet après-midi. Ah bah alors justement, le fais pas jusqu'à demain, ça viendra plus vite. Ouais. On a un peu galéré la semaine dernière. D'accord? Ouais. Bon, ça roule. Allez, à demain, hein? À demain, Mickaël. Salut Jean-François, ciao. Bisous, bisous. Allez, bye Jean-François. Bon bah voilà, faudra que tu dises à ton frère d'être là demain, tiens. Il y a Maëva qui dit Mickaël, je t'adore, t'es le meilleur. Bah c'est gentil Maëva, je te fais des gros bisous à toi évidemment. Et puis bah tous vos messages, n'hésitez pas, il y a plein de messages qui sont arrivés là, tu vas en chier avec la grêle. Bah écoute, visiblement c'est passé en tout cas au-dessus de notre tête. Apparemment, vous êtes encore nombreux à nous dire que va vraiment y en avoir hein, de la grêle, et qu'il y en a d'ailleurs notamment dans le 77, ça tombe pas mal. Donc méfiez-vous, sortez si vraiment c'est plus qu'indispensable. Couvert. Sortez couvert aussi accessoirement évidemment. Hein. Et avant de se faire polo contre le reste du monde, eh ben je l'avais promis, on se remet le son de David Guetta. Mais oui. Eh oui, allez, c'est parti. Vous l'avez écouté toute la journée sur Fun Radio, toutes les heures. Eh ben on a fait pareil ce soir, on vous l'a mis en triplette, le son de David Guetta avec la VO en 98 de Apollo 440. C'est le riff de guitare que vous entendez derrière. On écoute Blast Off maintenant sur Fun, il est 2h05, bienvenue. Le son de David Guetta à l'instant sur Fun Radio que vous avez découvert sur Fun, c'était Blast Off. Il est 2h07, on est à la bourre, c'est pas grave. C'est Polo against the rest of the world. C'est parti. Allez. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Et là, on est là, tout le monde bande. Bienvenue, vous êtes sur Fun Radio. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Merci Clara, qui est devenue une amie maintenant personnelle. Salut, c'est Clara Morgan et vous. Salut, c'est Clara Morgan. On commence avec Maëva. Maëva, je t'écoute. Salut, Clara Morgan. Salut Polo. Salut. Oh, t'es avec un. Oh, ta gueule. Mbarka. Salut Polo, tu es un gros de taf. Il manque une lettre ou tu t'appelles vraiment Mbarka? Mbarka, M-B-A-R-K. D'accord, bon, qu'est-ce que tu veux, Mbarka là? J'étais amoureuse de toi. Bah c'est bien, bah vas-y, fais-lui ta déclaration, je t'écoute. Voilà, tu veux m'épouser, toi, s'il te plaît? Et Toff est pas là en fait. Jean-Jacques Dulac. Salut mon cochon. Salut, je t'écoute. Ça va? Ouais, et toi? Alors, il y a un avion. Ouais. Et l'avion. Attends, attends, tu fais quoi là exactement? Je sais pas. Bon, alors casse-toi. Johan. C'est Claire Morgane et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Johan. Bon, bonjour, Sire. Sire? Oui, mon Altesse. Je vous remercie, Johan, je vous écoute. Vous voudrais être gradé magicien. Magicien, etc. Mais il n'y a pas de magicien dans les doux. Mais ça n'existe pas encore. Oh, comment? Bon, on va te grader. Voilà, t'es gradé magicien doux. Ça va? Et il me manque mes blagues. Ok, d'accord. Météorologiste, je vous écoute, le météorologiste. Oui, bonjour, je suis météorologiste spécialisé en phénomène de météorologue. Et oui, je ne comprends pas tout cet engouement, tous ces grelons, toutes ces pluies. Voilà, en fait, nous sommes en période de grand beau temps. Hein, et... D'accord. Et donc, pourquoi vous venez ici dire ça? C'est quoi les problèmes? Parce que j'écoutais votre radio, je vous entendais dire n'importe quoi. D'accord. Voilà, non, il fait beau, il faut le dire aux gens, ils peuvent sortir, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de risque d'inondation, pas de risque de pluie, pas de risque de grêle. D'accord, merci monsieur le météorologiste. Maïva, le retour. Ouais, oh, Polo. Ouais. Ça va? Non, c'est pas Apollo, hein, c'est Polo tout court. J'ai dit Polo. Hein. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux, Maïva? Mène-toi, là. Ça va? Ouais, ça va. Oh là là. Salut, c'est Clara Morgane et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Barkat. Oui, je suis Ferriette là, je suis amoureuse de toi. D'accord, c'est bien. Jean-Jacques Dulac, le retour. Ouais, donc le comble pour un avion, c'est avoir un antivol. On comprend pas ce que tu dis, Jean-Jacques. Il faut que t'apprennes à parler. Johan. Vous savez c'est quoi la lettre et le chiffre préféré de Toff? Non. Rappelle-moi Sire, s'il te plaît. Sire, oui, et Altesse, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la lettre et le chiffre préféré de Toff? Je sais pas. 100 et Q. 100 Q. Oh là là là là, ouais, je pense que la tempête les a un peu ravagés. On va conclure maintenant les gars, préparez-vous. Maëva, conclusion. Oh, Polo. Ouais. Je pense que t'as chanson générique avec toi. Ok, ouais, hop, Mbarka. On va faire de très beaux enfants métis, hein. Ah ouais, ça va être génial. Allez, dégage d'ici, Jean-Jacques Dulac. J'aime bien les chèvres. Super. Johan, conclusion. Je pourrais faire le générique, moi aussi. Ok, tu restes salut, là. Salut, c'est Clara Morgane et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Le météorologiste, conclusion, s'il te plaît. Oui, non, je voulais vous dire, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien. Bon, à part peut-être 2-3 petites culottes qui débordent, mais c'est tout, quoi. D'accord. Hein, donc, faut pas s'inquiéter, hein. C'est une belle soirée et que tout le monde rentre dormir et qu'on arrête de se prendre la tête. Hein. Ok, merci le météorologiste. Bah, je vous en prie. Allez, dégage, ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui m'ont écouté, merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous tous les soirs, je suis numéro 1 et ça n'a pas de prix. Et merci à qui? À Clara. Salut, c'est Clara Morgane et vous écoutez Polo contre le reste non, du non, monde. Non, merci Jérôme. Ah oui, bien sûr, évidemment. Je vous embrasse. Il est pas au courant qu'il y ait cette émission, donc. Oui, bon, t'en parles pas trop. Bon, c'est là qu'on voit que c'est un bon patron, parce que s'il était au courant et qu'il laisse ce truc à l'antenne, c'est là qu'on vous pourrait remarquer qu'il est mauvais patron. Non. Je ne vois pas de quoi tu parles. Donne sa chance aux gens. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, 2h12 sur Fun Radio, il y a le top tweetos dans quelques minutes. Alors attention, parce que vous avez été hyper nombreux ce soir à jouer et à balancer des messages avec le hashtag et Mickaël sur Fun. Je peux vous le dire que vous avez été hyper nombreux. On aura le générique de fin, Toff. Fait prêt avec ça charge. Les scores ça charge, là parce que c'est très lourd aujourd'hui. Genre tu as peine de le faire, c'est tout, arrête ton cinéma. Genre ça pèse parce qu'il y a plus de monde donc c'est lourd. Bah oui, parce qu'il faut plus de temps pour que la machine arrête. L'analyse. Vous êtes directeur d'antenne de Fun Radio Mongolie, ça suffit quoi. C'est déjà pas mal. Mais évidemment, bon alors on y va. On y va pas. Comment ça on y va pas? Bah on y va pas. Oh mais quel mongol celui-là. Oh là là, ça charge, putain. Oh là là là là. Bon allez, on fait le générique et on attend que ça charge. Générique, chaque chose sa place, on va pas faire ça à l'inverse. On va pas le faire à l'inverse. Il y a Maëva et Johan, ils veulent faire tous les deux le générique de fin là. Maëva et Johan, vous êtes là les gars? Ouais. Et vous voulez faire le générique de fin? Ouais. Bon, alors bougez pas, préparez-vous, on fait ça dans quelques minutes, restez là. Bon, alors, on y va. Donc, quel est le numéro 5 du top tweetos? Virginie 66. Numéro 4. Benjamin. Numéro 3. Nadia Le Prince. Ah, qui n'a fini que 3ème. Ouais. Bon, elle est arrivée à 1h du matin, ouais. Aussi, minuit. Ouais, elle était en retard. Et voilà, numéro 2. Corentin. Et numéro 1. Guillaume. Ah, quand même. Hein. Quand même. C'est vrai que je l'ai vu pas mal de fois tweeter celui-là. Il a déjà gagné, non? Non, je crois pas. Ben voilà, magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Ben voilà, tu vois Guillaume, quand on change sa photo de son avatar, on termine numéro 1 du top tweetos. Eh mais ça, oui, ça change tout, que... ça, change ça tout. Change tout. T'avais une sale gueule avant, maintenant t'es beau gosse. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Y a pas à chercher plus loin. Y a pas à chercher plus loin. Voilà. Bravo Guillaume. En tout cas, c'est bien numéro 1 du top tweetos. On remet le couvert demain à partir de 23h. On sera évidemment là en direct avec vous toutes et vous tous. Demain, ce sera avec la rupture. Il y aura une rupture demain soir entre 23h et 2h du mat, évidemment. Et puis, bah, si vous voulez nous appeler, si vous voulez jouer avec nous, si vous voulez délire avec nous, on est là pendant 3h tous les soirs. 01 42 48 5000, appelez-nous, n'hésitez pas. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis, Maëva et Johan, on se fait le générique de fin, vous êtes prêts? Oui, ouais. En anglais. Allez, attention, c'est parti. Ferme ta gueule de merde. Attendez, on comprend rien. Il faut absolument que vous mettiez le son de votre téléphone plus fort, parce que si vous sentez pas chantez pas en même temps, ça va être le bordel. Hein. Bon, bah, je chante en français alors. Bon. Ah, parce que tu chantes en anglais? Ouais. Ah, bah, c'est pour ça que ça part en couille. Ah oui, je sais ce qu'il va. Est-ce que d'habitude on fait Uncle Fucker, non? Calme. Bon. Allez, en français, on y va. C'est parti. Ferme ta gueule de mer, quand tu l'es, tu bouffes des bites, t'offres tes soucis. Tu comme toi, ferme ta gueule de mer, pas l'enculé. Tu bouffes des bites d'œufs pour le sucer, pas l'enculé. Tu veux dormir ou bien manger quand on gueule ton œuf toute la journée. Ouais, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va se faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu nous casses pas les couilles, ok? On va enculer ta mère, je te dis, pédé. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer tout à l'heure. Que veux-tu, c'est colo. Mais va te faire enculer, moi je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton bout. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, je te suce, toi l'enculé. T'es un enculé, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Sus Christophe, sus ma bite. Eh ben voilà. Bon, c'était pas hyper en rythme, Maëva et Johan, mais bon, au moins vous connaissez la chanson, c'est toujours ça de plus. Bon, eh ben salut Maëva. Oui, Maëva. Attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah bah tant pis, tu reprendras ta chance la prochaine fois. Non, mais attends, ça va me revenir. Bah oui, mais... Ah oui, tu veux pas rester jusqu'à 7h du mat, comme ça. Jusqu'à 7h, bah oui, vous êtes content le matin, tiens. Oh, jusqu'à midi, si tu veux. Ouais, on va faire 23h midi, ça va être bien, ça. Non, mais oui, mais on le fera. Déjà, bientôt, on va dans 2 semaines, là, on fera 20h minuit, et un peu plus, éventuellement, on suivra la Coupe du Monde et tout, ça va être la folie totale. Oui, Johan, oui, Maëva. Moi peut-être que je vais venir vous voir à Marseille, mais je suis pas sûre. Eh ben écoute, si tu veux, tu peux. Si tu peux, pardon, t'es la bienvenue. Ah ouais, trop. Voilà, cool. Surtout si tu viens avec ta sœur, t'offres ta passion. Ah, beaucoup plus la sœur. Elle est là. Ah oui, mais c'est pas grave, il est pas dans le détail. Y a pas moi je suis là que pour une nuit de toute façon. Voilà, c'est ça. Non, 2 nuits à Marseille, on va passer. Ah oui, pardon, 2 nuits. Voilà, on est pour 2 nuits, hein, pas de problème. Gros bisous Maëva. Bisous. Salut Johan, un truc à ajouter? Ouais, mais est-ce que je pourrais repasser avec Sandro au standard? Oui, bien sûr, je te la repasse tout de suite, y a pas de problème Johan. Ok, merci. Salut, bonne nuit, à bientôt Johan, ciao à toi. Et puis merci à vous tous d'avoir été là ce soir, vous avez été hyper nombreux. Merci, hein. On a été encore un des mots les plus tweetés ce soir, le Mickaël sur Fun Radio, grâce à vous comme d'habitude. Merci également à... Alors, qui était là ce soir? Bah, il y avait évidemment Nadia Le Prince, il y avait Guillaume, il y avait Quentin, Mister Steven, Superman qui était là également, il y avait Elodie, il y avait Laurine d'Evers 45, Nitral qui a bien tweeté également, bah, Guillaume qui a fini premier, Level Love, Fun. Fanny, Cédric, Fabien, Bastien, il y avait également qui était là, DJ Roms bien entendu, Céline et tous les autres. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, je compte sur vous pour que demain on soit encore plus nombreux et ainsi de suite. Prévenez vos potes, tous les soirs c'est sur Fun Radio que ça se passe, 23h, 2h la semaine, 20h minuit, tous les dimanches soirs. Voilà, vous avez pris toutes les notes, j'espère en tout cas, à demain 23h, salut salut. 23h, 2h, Mickaël No Limit, sur Fun Radio. Fun Radio.